Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Tête et but, fabuleux. Bonsoir à tous, on se retrouve donc pour un nouveau podcast ce soir. Donc on est avec Joseph. Salut Joseph. Salut Gabi, salut Nico, salut tous les auditeurs. Et ce soir donc on va parler malheureusement de l'Italie qui se fait sortir de la Coupe du Monde en tour préliminaire, on va dire match aller-retour contre la Suède avec un match nul à San Siro. Malheureusement l'Italie n'a jamais réussi à marquer dans ce match et l'Italie s'est fait sortir. On va y revenir juste après. L'annonce du programme. Donc ensuite, on parlera un peu de l'équipe de France qui a fait un bon déplacement en Allemagne, à Cologne, contre l'équipe championne du monde. Et on va également parler de la 13e journée de Ligue 1 avec tous les matchs du week-end, notamment PSG Nantes et Marseille-Bordeaux, plutôt Bordeaux-Marseille même. Et Lyon qui n'a pas réussi à prendre des points face à Montpellier. Une bonne équipe de Montpellier assez défensive. Et on va également parler de plusieurs faits qui se sont déroulés ce week-end, également avec un petit hommage à tous les supporters de Ligue 1, avec les Lyonnais qui ont rendu hommage au but de Fekir à Saint-Etienne avec un nouveau geste dans les tribunes, je pense, qui va faire école à travers l'Europe. T'en penses quoi, Joseph? Il y a des chances que ça fasse des petits, ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Et on va également parler du reportage diffusé sur Canal+, sur Karim Benzema la semaine dernière. Karim Benzema qui a essayé un peu de se remettre dans la poche un peu. Enfin, il a essayé, quoi. Je sais pas ce que t'en penseras, mais... Ouais, j'aurais bien envie de dire j'en pense rien, mais comme c'est au programme, j'aurais quand même 2-3 mots à dire. Voilà, il a essayé de se redonner un peu, comment dire... Une légitimité, mais... C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. On en parlera tout à l'heure. En fait, j'ai plein de trucs à dire. En fait. Et puis, dans l'actu, il y a également le retour d'Ibrahimovic à Manchester. Bon, on fera un petit zoom dessus, assez rapide. Et c'est à signaler quand même, parce qu'il a quand même 36 ans, quoi, c'est ça, hein, je crois. Il est vieux. il est vieux pour un footballeur professionnel. Le compteur commence à bien tourner. Et que le mec, il joue encore avec ce qui vient de lui arriver. Ça mérite un petit mot. Ouais. Donc voilà. On va commencer donc malheureusement par l'équipe d'Italie qui jouait à San Siro lundi dernier. Donc c'était un match un peu décalé par rapport au week-end qui a vu pas mal de qualifications dans le monde entier, donc dont l'équipe du Pérou également qui participait à une Coupe du Monde. Moi je trouve que les équipes d'Amérique du Sud, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que leur niveau est vraiment élevé parce qu'on a vu l'équipe du Chili par exemple qui est éliminée. Vainqueur de la Copa América, et voir l'équipe du Pérou se qualifier et l'Argentine passer de très peu aussi sans passer par les barrages. Moi je pense que l'Amérique du Sud cette année ils ont un coup à jouer par rapport à leur génération, et voir l'Italie dehors, une grande nation de football qui a jamais réussi depuis je dirais pas 2006, mais depuis 2012, après l'Euro 2012, où ils avaient fait une bonne performance en allant en finale contre l'Espagne, leur génération, ils n'ont jamais su à la renouveler. Donc je sais pas exactement si le problème là-bas en Italie, c'est la formation, ou si c'est une question d'expatriation, c'est-à-dire les joueurs italiens jouent plus. Ouais, les meilleurs joueurs commencent à partir. Moi, quand j'ai vu que l'Italie s'était fait éliminer, comme bon français, qui aime pas les Italiens, qui est censé pas aimer les Italiens, j'étais déçu déjà, parce que ça reste quand même une équipe, une classe forte du foot mondial. Ouais. Et je me suis dit, heureusement que la France a eu l'Euro, l'organisation de l'Euro, et c'est peut-être finalement ce qui a sauvé le foot français. En fait, dans les bon, j'ai il y en a qui vont peut-être pas suivre ce que je vais raconter, mais dans les années 90, bah en fait l'Italie et la France étaient des places fortes du foot européen. Bon, même si avec l'arrêt Bosman, les Français ont pas forcément le temps de vraiment en profiter, mais en tout cas c'était là que ça se passait. Et on regarde que 20 ans après, bah la majeure partie des infrastructures de l'époque, en fait, sont encore les outils de travail des clubs aujourd'hui. En fait, il y a très peu de clubs qui ont renouvelé leur stade, enfin fait les travaux ou changé les stades. Il y a dans ces deux pays pas mal de problèmes avec les supporters, à des degrés moindres, hein, parce que bon, l'Italie, je pense que le mal est un peu plus profond, et aussi les problèmes de formation. Parce que ce soit pour la France ou pour l'Italie, on vend toujours ces pays en disant que c'est des pays formateurs, mais finalement en fait c'est des pays qui profitent pas forcément des joueurs qui sortent des centres de formation, qui fait que bah en fait à un moment bah, tu rentres dans une crise que t'assumes pas jusqu'au moment en fait où t'es face au mur, quoi. Nous en France, ben, l'euro, je pense, a permis de tout remettre en cause, ben, au niveau des outils de travail, au niveau de la formation, parce que ben, justement, on a préparé une génération pour pouvoir la jouer cette coupe d'Europe à la maison, alors que en Italie, ils n'avaient pas forcément ces échéances-là. Et puis, comme en fait, ils étaient toujours qualifiés, que ça soit à l'arrache ou à l'aise, on se dit toujours, ben voilà, ça peut pas arriver aux Italiens. Et pourtant, quand on regarde les dernières compétitions, hormis l'euro, parce que c'était pas si mal que ça, et c'est peut-être ça qui les a mis dedans. Quand tu regardes les dernières coupes du monde, enfin l'Italie, c'était une catastrophe, quoi. Ouais, mais ils sortent pas des poules, hein, au niveau stade. Ouais, en 2010, je me rappelle, je crois que c'était contre la Slovaquie qui sont tapés en poule. tu dis non, mais c'est pas digne d'un pays comme l'Italie. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais qui se voyait pas en fait sur le terrain, parce que y a toujours ce côté le résultat qui conditionne tout. Et ben tant qu'en fait il y avait pas de crise de résultat, ben on pouvait pas parler de crise globale. Et ce sera peut-être même un mal pour un bien. Hein. Peut-être même un mal pour un bien, parce que du coup ils vont devoir se regarder dans le miroir, tous les dirigeants du foot italien, et se dire ben maintenant on fait quoi. Quand tu vois que le coach de l'Italie c'est Ventura, le mec c'est un kidam, quoi, et que tu vois que les pointures italiennes, les mecs ils veulent pas aller prendre la sélection, enfin moi ça me pose un problème, quoi. Je sais pas s'ils veulent pas aller prendre la sélection, j'ai plus l'impression que moi c'est la fédération qui veut pas donner l'argent à un grand coach italien. J'ai plus cette impression-là en regardant pas mal d'actualités au niveau du championnat italien et de la fédération italienne. Il y a des gros problèmes financiers, j'ai l'impression, et ils marchent sur des œufs à chaque fois que... Tu as l'impression que c'est comme tu dis, il y a une crise profonde au niveau du légalisme. Le problème, il est structurel, en fait, quoi. Voilà, au niveau des infrastructures sportives, les stades... Les gens ne viennent pas, les familles ne viennent pas. Bon, à la télé, on montre beaucoup le Milan AC, l'Inter, le Napoli. C'est des stades qui sont remplis tout le temps. Ouais. Aller voir des matchs, moi, je sais pas, moi, mais à Cagliari, et qu'est-ce qu'il y a comme autre club, Sassuolo, tout ça, tous ces clubs-là, c'est tout petit. Ouais. C'est des stades à 12 000, 13 000 maximum. Ouais. Même les deux clubs de Gênes, hein, tu vois, c'est censé être des gros clubs. Le problème est vraiment structurel. Et c'est là tu dis, il n'y a pas d'argent, je veux dire, c'est ça que je voulais dire à la fin, tu vois, il n'y a pas d'argent pour financer quoi que ce soit dans ce. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'idée, et tu vois, et le pas d'idée, mais en fait, on l'a vu dans le match. T'as l'impression en fait que c'était du aura football pendant 90 minutes. J'ai jamais vu l'équipe d'Italie jouer comme ça. C'est hallucinant. Alors que toi, c'est plus facile, c'est simple à dire parce qu'on est devant notre télé, mais tu te dis, ils font tout ce qu'il faut pas faire. Quand t'as une équipe qui joue bas et qui t'attend, le dernier truc à faire, c'est de l'acculer sur son but, parce que tu l'aides. Ah bah oui, bien sûr. Tu lui balances les ballons déjà. Faites les sortir. En plus, t'as vu les Golgotes les Golgotes derrière. Mais les mecs, ils sont régalés. Il y avait pas d'idée dans le jeu. Tu sens que les mecs, ils étaient pas prêts. Enfin, ils étaient pas. Alors que d'habitude, enfin, les Italiens, il y a du caractère, quoi. Et d'ailleurs, tu regardes en fait les vrais joueurs de caractère, bah c'était les mecs de derrière, et en plus c'est des gars qui sont vieillissants. C'est voilà, quand là il parlait de la BBC italienne, tu te dis ouais, enfin ouais, ça fait rigoler quoi. Ouais, surtout Barzali, hein, je vais pas être méchant, mais il y a des joueurs. Non, mais Bonucci, voilà, à la limite, mais ouais. Le mettre libéro dans un match comme ça, alors que Chiellini, il a quel âge, il peut pas couvrir. Hein. Ils ont joué, là je vois la tactique, je regarde la tactique de nouveau, là, ils ont joué apparemment en 3-5-2. Ouais, pour, ouais. Tu sais, prendre le ballon au milieu de terrain. Bon, moi j'ai vu le match en entier, j'étais à fond devant la télé, tu vois. Ils ont eu le ballon au milieu de terrain, c'est même pas ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune intelligence tactique dans cette équipe. Il n'y a pas d'intelligence tactique. Il y avait clairement pas d'idée. Il y avait pas d'idée, et même dans le jeu. Et le pire, c'est que même les joueurs, en fait, ils le faisaient remarquer au coach, quoi. Je sais pas si t'avais vu l'image de De Rossi quand Ventura, il lui dit de rentrer. Il lui dit, mais c'est pas à moi de rentrer. Ouais, c'est ouais. Pas... Il y a une fumée sur le banc de touche. Ouais, c'est à la Napoli, il est extraordinaire. C'est ça, il a mis un but magnifique l'autre fois en Champions League. Il est sur le banc de touche, là. C'est ça. Et tu dis que le gars, il est... Enfin, voilà, c'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant. Et voilà, pas d'idée, pas de structure. Et tout le problème du foot italien, en fait, il a été condensé sur un match. Bah ouais, c'est triste, mais il fallait que ça arrive. Parce que mais je pense que c'est des fois on dit c'est bien de toucher le fond parce que ça oblige à remonter. Mais je crois que l'Italie, ça va leur faire du bien. Et je me demande si pour l'Euro, justement, l'Euro en 2020. Vont pas nous préparer une petite équipe aux petits oignons, quoi. Parce que là, pour le coup, le challenge pour le prochain qui va arriver, il sera forcément intéressant. Que ça soit une vedette ou que ça soit un kidam, il pourra pas faire pire que ce qui est arrivé, quoi. Bah ouais, mais malheureusement, de toute manière, tout à l'heure je disais fallait bien que ça arrive, parce que combien de fois l'Italie ils sont passés à un point ou un but de se faire éliminer dans une phase de poule en Coupe du Monde. C'est encore arrivé en 2014 avec l'Uruguay, là où ils devaient gagner à tout prix. Et puis bon, malheureusement, l'Italie, ils ont été dans un groupe où ils jouaient en Amazonie, là, où il fait le plus humide et le plus chaud. Ouais, non, ouais, non, et tu mets des Italiens là-bas, c'est pas possible, quoi. Non, mais l'Allemagne, je pense que t'aurais mis l'Allemagne dans ce groupe, dans ce stade-là en Amazonie, c'est pareil. Je suis même pas sûr qu'ils sortent. Tu te rappelles de l'Allemagne contre l'Algérie, il a deux doigts de craquer avec. C'est clair, j'ai plus de mal avec la météo qu'avec les gens en face, quoi. Mais par contre, ce qui est dommage dans cette sortie de route de l'Italie, bah du coup, c'est que on a un mec comme Gianluigi Buffon, qui a pas forcément la sortie qui leur a mérité, en fait. C'est vraiment dommage, en fait, pour un joueur de cette classe qui a souvent été sous-estimé. Quand je dis sous-estimé, je m'explique. On parle souvent, même si j'aime pas trop ça, là, du Ballon d'Or, en plus être d'actualité, et que sous prétexte qu'il est gardien, on n'a jamais vraiment pensé à lui. Là, pour le coup, on pensera plus à lui pour cette distinction, parce que il aura pas la joie de jouer sa 6e Coupe du Monde. Ouais. Ah, tu vois, mais bon, le problème, c'est que, comme quand on dit souvent, hein, quand le meilleur joueur de l'équipe, c'est un gardien de but ou un défenseur, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, c'est clair. C'est clair. Et là, encore une fois, tu te reposes sur un dinosaure qui a joué déjà 5 Coupes du Monde, je sais pas. Ouais. Le problème... Et que la relève, elle a 17 ans, quoi. Et... tu dis, entre les deux, il n'y a rien, quoi. Mais t'imagines, hein, moi... Tu vois, mon gros souci aussi avec cette équipe d'Italie, c'est que les joueurs clés qu'on attendait après l'Euro 2012, qui auraient dû confirmer ou dû continuer dans l'équipe d'Italie et prendre les jeunes sous leur aile pour les aider, ces vieux-là, je parle pas de Pirlo, parce que Pirlo, il a fait son âge, mais les joueurs qui auraient dû, comme Balotelli, tu sais, Balotelli, moi j'en veux à tous ces mecs-là qui ont abandonné un peu la compétition, qui ont favorisé à un moment donné leur carrière personnelle, l'argent, les loisirs extrasportifs, et qu'ont délaissé leur pays. Après, chacun son choix, bien sûr. Mais je veux dire, même Verratti, c'est pareil. Ce mec-là, il est jamais... Au PSG, il fait une très mauvaise saison depuis le début de l'année. Ouais. Il n'est pas bon. En équipe d'Italie, c'est lui qui aura dû porter son équipe. Il le numéro 10, c'est une honte. On donne le numéro 10 à un mec qui n'est pas en condition pour jouer. Le mec, il est blessé, il est suspendu un match sur deux. Comment tu veux ? C'est comme si Zidane, à son époque, si tu veux, en 98, le mec, il n'était pas là un match sur deux parce qu'il est blessé ou ceci, cela. C'est, tiens, on parle d'un joueur qui joue en France, en Italie. On ne parle pas d'un joueur qui joue sans faire un jour au pays du Maghreb. Tu vois, parce que combien de fois on a eu des joueurs là comme... Marwan Chamakh, ouais. C'était un super joueur, mais à un moment donné, voilà, il est arrivé à ce qu'il voulait dans sa carrière, l'argent, ceci, cela. Après Arsenal, il a arrêté de jouer. Ah, c'est clair. Chamakh, il est fini. Belanda, c'est pareil. Il a été champion de France, il a arrêté de jouer. C'est clair. Et tous ces mecs-là, ils sont déjà arrivés. Bah, c'est un peu ça. Bah, tu vois, quand je faisais le parallèle avec la France, bah, tu regardes, bah, justement, tu vois, ils ont une espèce de génération dorée à qui on a monté le bourrichon. Les mecs sont partis très tôt dans des clubs où on leur a filé les clés du camion, sans jamais vraiment le conduire les camions. Bah, tu vois, parce que tu parlais de Balotelli, mais dans le même genre, t'avais El Shaarawy aussi. Hein. Ouais, bon, même si lui, après, il a pas été par les blessures et tout, tu vois, mais c'est des mecs, en gros, ils sont vite sortis des radars. Ouais. Et du coup, en privilégiant, en fait, comme tu dis, leur carrière en club, ils ont jamais pris conscience en fait qu'ils étaient internationaux italiens et que le foot en Italie, c'est la vie, quoi. Ouais, c'est une religion. Les gens, ils vivent à travers leur équipe. Moi, l'Italie, je la compare à l'OM à Marseille. Ils parlent de ça toute la journée. Enfin, je veux dire, la nation, c'est... Moi, franchement, le plus choquant, tu vois, dans cette histoire, c'est que moi, j'ai pas connu l'Italie qui n'a pas joué une Coupe du Monde. Ouais. Ouais, non, c'est clair. J'ai pas souvenir de ça. Et à chaque fois que l'Italie jouait une Coupe du Monde, c'était pour aller en quart ou en huitième ou en demi ou en finale. Bah, t'as trois pays en fait où t'as la Coupe du Monde où normalement t'as le rond de serviette, quoi. C'est le Brésil, l'Allemagne et l'Italie. Et là, tu te dis, finalement, non, les ronds de serviette. Non. Après avoir vu le match aussi, tu te rends bien compte. Tu vois, à San Siro, il y avait tout. Tu avais le public qui était derrière l'équipe. Là, tu peux pas dire le public n'a pas encouragé l'équipe ou il y a eu un mauvais arbitrage. Ouais, c'est clair. L'arbitrage, il a été assez moyen, faut dire, c'est vrai, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que l'arbitre était pas bon, il a favorisé personne. Il était pas bon toujours, quoi, ouais. Il y a eu deux mains, deux fautes. Il y aurait pu avoir 2-2 ou un partout, mais à la fin, de toute façon, l'Italie est éliminée, moi, je pense. Ouais. Mais même tu vois, ils vont au tir au but. Je suis même pas sûr qu'ils arrivent à foutre un but dans un tir au but. Non, ils ont pas le caractère. Ils étaient claqués, les Italiens. Complètement physiquement. À un moment donné, il fait rentrer Bernard Skinny là. Ouais. Il le fait rentrer. Et tu te demandes pourquoi il le fait rentrer. Il y a Belotti qui rentre à un moment donné aussi, mais il est mauvais ce mec. C'est mauvais, quoi. Si les meilleurs joueurs c'est Florenzi, Chiellini et Buffon et Andreva par moment. Ouais, non, ça reste léger. Moi, je préfère qu'il se fasse éliminer là que d'aller en poule et d'être ridicule. Ouais, je pense. Ouais, mais au moins ça va obliger la révolution et pas forcément qu'au niveau de l'équipe nationale. Donc ça peut être un mal pour un bien. Ah, maintenant, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, la Suède ou l'Italie en 2018, ça serait pas sorti des poules. Ah ouais, non, c'est clair. À moins de gros tirage chouneux. Ouais, genre le jackpot. Jackpot, messieurs, dames. Ouais. C'était un match sans. Bon, je pense qu'on. Mais c'était triste, hein. Mais c'est le match était triste. Et puis tout ce qu'il y avait après. Le seul truc peut-être un peu classe, si tu veux, pour finir là-dessus, c'est peut-être, je sais pas si t'as entendu parler de l'histoire de De Rossi. Non. Parce que tu sais, en fait, l'hymne suédois avait été sifflé. Ouais, bien sûr. Et en fait, De Rossi, après le match, apparemment, c'est des joueurs suédois, en fait, qui ont rapporté ça. En gros, il est monté dans le bus. Dans le bus des Suédois pour s'excuser en fait. D'accord. Pour s'excuser des sifflets et je trouve que c'est la classe, quoi, parce qu'en général les mecs ils passent au-dessus de tout ça. Quand tu viens de te faire éliminer d'une Coupe du Monde et que du coup ton principal souci pour l'été c'est où tu vas partir en vacances parce que du coup t'as des vacances. Se dire voilà, je vais aller féliciter les mecs qui m'ont éliminé et je vais aller m'excuser parce que t'as une bande de blaireaux qui ont sifflé un hymne national. Ouais, c'est pas... Chapeau l'artiste, quoi. Moi, je pense que tu vois, l'hymne national, il a plus été sifflé dans l'esprit, Ouais, mettre la pression, mettre la pression. voilà, déranger, démobiliser l'adversaire, mais pas Ouais, dans l'irrespect, en fait. ouais. Je vois plus ça comme ça parce que Milan, c'est un public assez, enfin, la ville de Milan, c'est une ville assez aisée par rapport aux villes du sud de l'Italie. Tu m'aurais dit, tu vois, l'hymne aurait été sifflé à Naples ou Lille, parce qu'à Naples, ils sont capables de siffler l'hymne national Ah italien. oui, Si ouais, non, ouais, non, c'est on se clair. souvient de 90, ils étaient pour l'Argentine, hein, là, dans Ouais, les ouais, années de ouais, Naples. ouais. Il y a eu plein de témoignages de gens dans les tribunes qui avaient. Ouais, qui disait, lui, notre Dieu, il a le numéro 10. Ouais, voilà, Ouais. et comme les bourgeois italiens à cette époque-là, comment dire, si tu veux, ils étaient reniés, en fait, le sud était renié du nord en Italie, ils voulaient pas de l'équipe nationale déjà qui joue dans le sud de l'Italie, bon, c'était mal tombé. Mais je veux dire, les Italiens, j'ai pas senti ça comme une question d'irrespect, parce que moi j'ai plus senti ça pour démobiliser l'adversaire, en fait. C'est le sentiment que j'ai eu, parce que. Après, ça n'a pas marché, hein, mais Après, ça n'a pas marché, ça suffisait pas. Hein, là, le traquenard, tu sais, quand les fameux clubs français allaient jouer à Turin, à une époque, tu avais l'arbitre contre eux, tu avais les joueurs, tu avais la créatine, tu avais tout. c'est Là, clair. j'ai rien senti de tout Là, ça, il y avait moi. un... Ouais, après peut-être que le choix du stade aussi, hein, tu sais, qu'on dit donc que le problème est structurel, voilà. Ben, va jouer dans un stade plus petit, voilà, même si la recette elle est moindre, va jouer dans un stade plus petit, mais où tu peux vraiment mettre la pression, Peut-être, quoi. peut-être. Il aurait fallu jouer où, tu penses? Bah tu sais, tu parlais de Naples, Ouais, ça aurait ouais, été bien, tu penses? ou même au Je Juventus sais pas. Stadium, tu vois, c'est Ouais, un 40 000 places. Là pour le coup tu vois le stade il est plus petit, donc en termes de pression Ah oui, c'est à plus Turin, ouais, bien ouais sûr. tu vois le stade est plus petit, donc en termes de pression ben tu le fais mieux sentir, Ouais. c'est parce que plus le stade est grand effectivement t'as plus de monde, mais moi je sais pas comment on dit en italien, mais C'est t'augmentes un aussi les chances peu. d'avoir des footix, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis il y a un côté impersonnel, d'un public un peu trop diversifié. Et puis C'est finalement, t'as ça. pas des vrais supporters. T'as plus des gens qui sont là pour regarder. Mmh. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Et Ouais. puis Coupe du Monde 2018, un peu inédite, ça sera, quoi. Carrément, carrément. Après, pour moi, c'est comme si le Brésil était éliminé. J'ai ce sentiment, ça, quoi. Oh, ça arrivera peut-être un jour, on sera peut-être pas là pour le voir, Voilà. mais en tout cas, ce sera un séisme, hein. Comme pour Bah, c'est dans le monde l'Italie. du football, faut des changements, quoi. Mmh. Mais l'analyse que tu as faite, je trouve qu'elle est bonne, hein, l'histoire de ne pas avoir donné l'euro finalement à l'Italie, qui a pas pris conscience de tous ses problèmes, même après le fait de ne pas avoir été sélectionné. Tu vois que la crise est profonde, et je pense que j'ai l'impression que même, tu vois, 2022. Pff, 2020, j'ai encore des doutes, parce que je vois pas les joueurs qui pourraient prendre, malheureusement. Ouais, après ça peut aller vite, hein, parce que Tu en penses, compète de jeunes ils sont pas mal, en compète de ouais. jeunes ils sont pas mal, et si y a des têtes qui tombent au niveau de la Fédé, bah peut-être que justement en Italie ils seraient capables de le faire, tu vois, justement Ah, bien sûr. des conditions, voilà, ben aujourd'hui voilà faut qu'il y ait tant de joueurs de italiens dans l'effectif. Mettre une barrière en termes d'âge, voilà, bah tu pars pas avant tel âge, enfin des choses que nous on fait pas forcément en France, qui fait que t'as des gamins qui partent sans jamais avoir porté un maillot d'un club professionnel en France. En Italie je pense qu'ils sont peut-être capables de le faire, mais bon c'est le temps qui nous le dira. C'est le Ouais, temps qui nous le dira. exactement. Donc voilà, donc on va également parler de l'équipe de France. L'équipe de France qui a livré un bon match face à l'Allemagne. Ils auraient dû gagner, mais malheureusement, bon, l'Allemagne. Après, c'est un match amical, hein, Ouais, y a moins d'engagement. et j'ai envie de me dire, des fois, Ouais. heureusement qu'on n'a pas gagné. Ça fait bizarre de dire ça parce que Ah, t'as raison, c'est ça toujours fait bien. toujours plaisir de taper les Allemands, même si c'est un match amical. Mais je pense que si on les avait battus, il y aurait beaucoup de médias qui nous voyaient champions du monde avant même le tirage de ça. Ouais, et puis les joueurs, je pense qu'ils s'enlèvent une pression pour la Coupe du Monde, et ils se disent, tiens, on a battu les champions du monde deux fois de suite, dans des. Trois fois de suite, Ouais, trois fois trois de fois de suite. suite même. Parce que le novembre 2015, Ah oui, bien sûr, on a plus retenu les tristes événements, Ouais, c'est mais vrai, les c'est joueurs vrai. n'étaient pas au courant, hein, et ça Ouais, s'est c'est fini à vrai. 2-0, quoi. Donc j'y tiens trois fois de suite. Donc si on pouvait faire en mode de Julien Lepers, les rencontrer en Coupe du Monde et faire un 4 à la suite, vous me dites où on signe, je suis preneur. Mais pour revenir sur le match, bah, ce qui était intéressant, c'est que Didier Deschamps a fait une compo sans ses vedettes. Sans les têtes de gondole, quoi. Parce que Lloris n'était pas là, Griezmann n'était pas titulaire, Pogba n'était pas là non plus. Ces têtes d'affiche en fait qui sont pas là, qui sont censées être les leaders en fait à leur niveau sur le terrain, ça permet de se dire finalement on peut peut-être avancer, quoi. Il y a peut-être des choses à faire. On passe notre temps à parler du potentiel sans jamais le voir. Et aujourd'hui on l'a vu, quoi. Enfin mardi dernier on l'a vu. Et pareil dans les têtes de gondole, même si c'est un autre degré. Pareil, quoi. Giroud n'était pas titulaire non plus, alors qu'on se dit toujours que de par son profil il est indispensable. On a pu voir que finalement il était peut-être pas si indispensable que ça. Et il a été éclipsé en plus par le mec qu'on n'attendait pas, quoi. Lacazette. Le mec qui avait jamais pris sa chance en équipe de France. Ouais, il m'a fait plaisir. Qui arrive, qui m'a un doublé, tu te dis, même si bien aidé par Martial sur le premier, hein, parce que je crois que moi, même en tang, tu sais, je la mets. Mais il faut y être. Et du coup, on a vu des connexions qu'on n'aurait pas forcément pensé. Hein. Parce que Martial, on se dit toujours il joue pas forcément avec Manchester, mais quand il rentre, il fait des bonnes rentrées. Mais entre être un super sub et être titulaire dans un match international, c'est pas la même chose, quoi. Et le mec, en fait, il a su saisir sa chance. Et je sais pas ce que t'en penses, quoi, mais tu sens en fait qu'il y a des gens qui ont enfin compris qu'une place, ça se gagne. Ça se gagne à l'entraînement, ça se gagne sur le terrain. Et les gars, ils se sont dit, moi, cette chance-là, j'ai pas la laisser passer. Enfin, je sais pas. Non, c'est vrai. De toute façon, Lacazette, là, ça fait. Moi, je trouve que ça fait deux matchs, deux, trois matchs, on va dire, de suite, où il est bon, en fait, il est efficace surtout. Et avec Arsenal, il est bon. Ils ont fait un bon match contre Tottenham et j'ai bien aimé sa performance. Et avec l'équipe de France, le fait qu'il marque contre, on va dire, une des top 3 des nations mondiales, ça montre qu'il est monté en concentration pendant ses matchs et en efficacité surtout. Il a progressé. Est-ce que c'est pas le fait aussi d'être sorti du moule lyonnais qui fait qu'il prend conscience en fait de ce qu'est son métier, de ce que c'est le foot. L'école, en fait, entre guillemets, parce que je pense qu'il c'est a fait ce côté scolaire un peu, tu sais, de se dire j'ai grandi là, et ça le bloquait psychologiquement, j'ai l'impression, à un certain moment. Et puis surtout les Lyonnais, tu sens que dans leur cocon, en fait, ils sont tellement chouchoutés, les mecs, qu'il n'y a jamais de remise en question. Ils sont défendus dès qu'ils font une erreur pendant un match. On leur dit tellement tout le temps, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus forts, que les mecs, à force, à un moment, ils y croient. Après, c'est le problème de la génération en général, hein. C'est pas forcément que les Lyonnais. Et tu dis, en fait, le mec, il a eu besoin de partir pour vraiment découvrir son métier de footballeur professionnel. Et d'ailleurs, je vais même me permettre une parenthèse là-dessus. Tout le monde s'est offusqué parce que Nabil Fekir n'a pas joué ce match. Moi, j'ai eu la chance en fait d'avoir pu assister à un entraînement à Clairefontaine. C'était la semaine d'avant le match France-Allemagne, Allemagne-France. Le lendemain, j'ai dit à un de mes collègues, je te parie que Fekir ne jouera pas avec l'équipe de France sur ce rassemblement. J'ai perdu à moitié mon pari vu qu'il est rentré contre le Pays de Galles. Mais quand j'ai vu qu'il n'était pas rentré contre l'Allemagne, je lui ai dit, t'as vu, je t'avais dit. Et je lui avais dit qu'en parallèle, que la Lacazette et Martial, en fait, eux joueraient. Pourquoi? Et comment t'as senti ça alors? À l'entraînement. Tout simplement à l'entraînement. Il n'était pas impliqué, il ne voulait pas se blesser. C'est exactement ça. En fait, quand les entraînements sont ouverts au public, en général, c'est des jeux. Il n'y a pas de mise en place, pas de foncier parce que c'est pas intéressant sinon et tout. En général, c'est des jeux. Mais quand tu regardes, un entraîneur, c'est là en fait qu'il voit le mec qui a envie. C'est dans le jeu. tu sais, dans sa relation avec les autres, dans son envie de gagner, parce que bon, ça reste quand même des pros, donc c'est censé être des gagnants. Et donc même dans un petit jeu, tu sais, on dit souvent, toi tout à l'heure on va parler de Zlatan. Zlatan, je pense que même un petit jeu à 7 contre 7, terrain réduit, voilà, même s'il n'y a rien à gagner, le match, enfin l'opposition, il a envie de la gagner, quoi. Fitcher, le mec, il avait aucune envie. Mm-hmm. Aucune envie. Et tu te dis, mais mec, putain, c'est pas une place pour les matchs amicaux que tu joues là. Mm-hmm. C'est une place pour la Coupe du Monde. Bah tu vois, bah Martial, Lacazette, cette envie-là, tu la sentais. Tu la sentais. Tu sais, tu connais les entraînements en général de l'équipe de France. Est-ce qu'il n'y a pas eu une opposition avec les chasubes titulaires et chasubes remplaçants avant la séance ouverte au public? Il a senti que finalement il ne serait pas titulaire. Tu vois ce que je veux dire? Bah le truc c'est que l'entraînement que j'ai fait, moi, c'était le deuxième. En fait, le stage avait commencé le lundi. Ouais. Le lundi, il y avait déjà un entraînement ouvert au public. Moi, j'ai fait celui du mardi. D'accord. Donc bon, après il y a peut-être des entraînements le matin, hein, tu vois. Enfin quoi, tu es le lundi matin, je suis même pas sûr. Donc en général c'est quand il y a le défilé de mode sur les marches du château, tu vois. Ouais. Mais on va dire au maximum, s'il y en a eu un le mardi matin, on va dire que celui que j'ai vu c'est le troisième. Je suis pas sûr que Deschamps au bout du troisième entraînement, tu vois, il fallait pas tout ça, quoi. Ouais, ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais enfin pour moi Fekir, il a donné le bâton pour se faire battre. Eh, vas-y, défonce-toi, mec. Défonce-toi. Enfin, si t'as vraiment envie de gagner ta place, c'est là que ça se passe, quoi. Mais j'espère que Pavard, il va continuer à faire des bons matchs avec Stuttgart. Même si, je vais être honnête, j'en ai pas vu un seul, hein. Mais, je vais pas me la raconter, le mec qui regarde tout. Mais voilà. Enfin, en tout cas, il a donné envie de le revoir. Et, d'une manière générale, ce qu'on a vu des Français, j'ai envie de le revoir et vivant le mois de mars, quoi. Ouais, j'ai bien aimé cette équipe aussi. Elle m'a fait plaisir, l'équipe. En fait, elle joue. Je trouve qu'elle s'est améliorée par rapport à l'Euro 2016 encore. Elle est beaucoup plus offensive et beaucoup plus tonique dans les phases. Elle est plus joueuse. Elle est plus joueuse. Ouais, voilà. Globalement, elle est plus joueuse, on va dire. Et défensivement, c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait moins de défenseurs de qualité et que Deschamps, en fait, pour garder le ballon, il se dit qu'il faut jouer. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas chercher à défendre. Il faut jouer. Parce que finalement, défensivement, on peut être en danger assez rapidement, comme on a vu contre la Biélorussie, soit on débute un peu casquette comme ça avant la mi-temps, sur un relâchement, et malheureusement, tu vois, l'Allemagne revient à la fin. Ouais. Et c'est ça montre que défensivement, il y a encore des travaux à faire, mais en attaque, il y a une puissance offensive. Ça, moi, je pense que ça fait peur à toutes les équipes dans le monde. Hein, non, c'est clair. Et quand tu vois que nos deux latéraux supposés titulaires, enfin présumé titulaire, qui sont des latéraux très offensifs, n'étaient pas là. Ouais. Tu te dis, c'est encore des armes offensives qui n'ont pas forcément été utilisées du coup contre les Allemands, et qui peuvent faire encore moins de temps en qualité cette équipe là, quoi. Non, je disais, c'est comme au milieu de terrain, il y a quelques soucis aussi, quelques joueurs qui... Par exemple, entre Pogba ou celui qui l'a remplacé, là, je sais plus, Tolisso. Il y a débat quand même. Parce que moi j'ai une théorie là-dessus. Moi j'ai une théorie là-dessus. Je te laisse finir, après je te dirai ma théorie. Ah, j'ai pas forcément d'analyse complète, mais si tu veux, Tolisso, pour le peu qu'il a montré, j'ai trouvé que... Finalement, lui aussi avait progressé par rapport à Lyon déjà. Mmh. Il est plus impliqué dans la concentration et dans ses tâches en fait qu'il a à faire sur le terrain. Il est moins éparpillé sur le terrain aussi par rapport à Lyon. Et déjà tu joues au Bayern, donc tu as besoin d'être titulaire. Ça, il y a de la concurrence, quoi. C'est pas à Lyon, t'arrives, tu mets tes affaires dans le vestiaire, tu sais que tu vas jouer, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est clair. et Tolisso, je trouve que sur le peu de ballon qu'il a joué, il a été bon, quoi. Et Pogba, il a trop de déchets, moi, dans tout ce qu'on a vu depuis l'Euro 2016. Il met un beau but contre les Pays-Bas qui nous qualifie. C'est un début qui nous qualifie, faut pas se cacher. C'est clair, ouais. Parce que le match était très mauvais, hein, contre les Pays-Bas, c'était poussif. Hein. Ouais. Et là, Pogba, je trouve qu'il a beaucoup trop de déchets par rapport à un Tolisso qui finalement n'est pas présent sur beaucoup de ballons, mais le peu qu'il a, il est efficace, quoi. Ouais, moi, ma théorie, tu vois, c'est j'ai l'impression que Tolisso, on le survend. Quand je dis on le survend, c'est certes, il fait des bonnes prestations, sobre. mais pas forcément extraordinaire comme j'ai pu l'entendre. Et du coup, j'ai l'impression que qu'on se sert de Tolisso comme argument pour que Pogba pour écarter Pogba. Et moi mon argument premier, c'est de dire que Pogba, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Malheureusement, ses défauts sont plus visibles que ses qualités. Ouais. Mais il faut jamais oublier que le deuxième but de l'Allemagne, contre l'Allemagne, pardon, ouais, pendant l'Euro, à Marseille, c'est en faisant du Pogba. Ouais. Voilà. Quand il met l'enfer sur le côté gauche pour Grisou, voilà, c'est en faisant du Pogba. Donc après, à un moment, faut savoir en fait ce qu'on veut. Soit on lui trouve une place où il peut s'exprimer, ou soit on lui dit clairement, on n'a pas besoin de toi. Tu vois, mais pas la jouer un peu focus, j'ai envie de dire. Les opposer, quoi, finalement. Ouais, voilà, parce que pour moi, c'est... Voilà, parce que, et puis pareil, enfin, Tolisso, oui, mais on a bien mieux pour faire ce rôle-là, quoi. Ouais, parce que dans les tauliers que j'ai cités, j'ai oublié N'Golo Kanté aussi, qui était pas là. Ça donne quand même une idée du matos à disposition et une idée du casse-tête qu'attend Deschamps pour jouer mais c'est bien parce qu'il a du choix, au moins il peut s'adapter. Là, il a le choix de s'adapter en fait à des situations et pas forcément rester sur sur sa formation de départ. Et comment dire, tu sais, un Pogba et un Tolisso ensemble, je pense que ça sera possible. Parce que finalement, tu sais, c'est la place de Payet, moi, je pense, qui est plus libre. Parce que Payet, on le reverra plus. Hein. Payet, physiquement, lui, il se remet pas en cause avec son poids et sa forme physique. Ouais. Je pense qu'il a du souci à se faire parce que Deschamps. J'ai même allé plus loin. C'est pas Marseille qui pourra se mettre en avant. C'est pas dans ce Marseille-là qu'il ira gagner une place en équipe de France. Il est pas assez indispensable pour l'équipe de France. Ni pour Marseille, voilà. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, tu vois. Il est indispensable pour personne. Et pour moi, la Coupe du Monde, elle va arriver trop vite pour que Payet y revienne. Toi, demain, t'es Deschamps. Tu te dis, bon, dans les mecs qui sont sortis des radars, tu dois prendre soit Dembélé, soit Payet. Quand les deux ils reviennent, tu prends qui? Dembélé, c'est pareil. On va dire qu'en attaque, il y a d'autres dispositions tactiques qui permettent de ne pas prendre Dembélé, en fait. Ouais. Moi, je préférerais jouer, si tu veux, si j'étais Deschamps, mais je pense que c'est ce qu'il fera. Deschamps, il préférera jouer avec peut-être un Lacazette, un Giroud et un Griezmann. Que de prendre un Dembélé un peu soliste. Après je prenais l'exemple de Dembélé parce qu'il était pas dans le dernier stage. Ouais. Donc en gros l'idée c'était de ceux qu'il a pas vu sur le dernier stage, voilà, si tu devais aller en chercher un qui est dehors, lequel tu irais chercher en priorité. Donc ça veut dire limite, ça va même dans mon sens, parce que ça veut dire que avant de penser à ceux qui étaient pas là, regarde déjà ce que tu as et qui ont fait le job. Ça le met encore plus loin dans la liste, quoi. Et c'est pour ça, je pense que Payet, j'espère qu'il a bien profité de ses sélections en bleu, parce que je pense qu'il en aura pas d'autres, quoi. Là, actuellement, il a pas trop le niveau, mais malheureusement, c'est un grand mot. Mais Deschamps, il choisit pas forcément les joueurs en forme. Les joueurs qui complètent un collectif, les groupes, on va dire la cohésion du groupe dans les vestiaires, la vie de groupe à l'extérieur. Ouais, c'est important aussi, c'est important. Il va pas s'amuser à prendre un Ben Arfa qui est en forme sur une fin de saison pour foutre la merde pendant un mois à la Coupe du Monde, quoi. Voilà. Ah non, ouais, parce qu'il a besoin de garantie aussi au niveau humain. Et ça, je peux le comprendre, et ça, je le comprends tout à fait. Ouais, on va dire qu'il y a beaucoup de choix offensifs possibles, mais défensivement, il y a des places à prendre dans le milieu de terrain, pas défensif, mais plus offensif, un milieu, on va dire, à la Tolisso et à la Pogba, qui est un peu entre deux, quoi. Ouais. Ça serait bien d'avoir un bon tireur de coup franc quand même en Coupe du Monde, hein, parce que Payet, il nous met les sacrés coups francs. Ouais, je cracherai pas dans la soupe en disant que j'ai bien kiffé contre la Roumanie. Voilà, voilà, dans l'Euro, à l'Euro, c'est vrai qu'il a, il a quand même sorti 2-3 épines du pied du sélectionneur. Mais ouais, mais après, j'ai quand même confiance. J'ai quand même confiance en ceux qui sont là et vivement la Coupe du Monde. D'ailleurs, une petite pensée, bon, je sais pas s'ils entendront, s'ils écouteront le podcast, hein, aux copains irrésistibles français qui s'étaient déplacés à Cologne. Mmh. Et surtout pour les trois qui ont pas pu voir le match parce qu'ils ont été interdits de stade. Mmh. Juste pour raconter l'anecdote, en général, pour les déplacements à l'étranger, on fait ce qu'on appelle des fan walk, c'est-à-dire on part d'un point A à un point B, sachant que le point B en général, bah, c'est le stade où se fait le match. Mmh. Et en général, sur ce cortège, bon, y a les bâches, ça chante, ça danse, et il y a des craquages de fumée. En général, bon là, j'ai pas pu le faire ce déplacement-là. En général, on a l'accord des autorités pour le faire, parce que c'est pas anodin, hein, ce genre de manifestation. Et quand on a l'accord, on fait comme on fait partout, quoi. Sauf que là, en fait, les copains se sont fait appréhender par les autorités. Et ceux qui avaient des fumis, en fait, se sont fait arrêter et ont passé une partie de leur journée au commissariat. Et du coup, on n'a pas pu voir le match au stade. Au stade. C'est dommage, donc c'est dommage de faire de la route pour aller faire la fête. Et du coup, finir la soirée dans un bar et pas voir le super match de l'équipe de France. Ouais, donc une petite pensée pour ces supporters-là. Et puis j'en profite, hein, je prends un peu ta place, je fais la vas-y, transition vas-y. Pour parler des supporters. Bravo aux Ultramarines là pour leur beau tifo d'avant-match. C'était peut-être ce qu'il y avait de plus joli, ce qu'il y avait de plus joli dans le match du dimanche soir. On en reparlera après. Mais c'est vrai que vu comment on a pas mal taillé ces derniers temps les supporters, j'avais vraiment envie de faire une petite parenthèse là-dessus. Donc le tifo des Ultramarines, comme le tifo des Stéphanois aussi sur le derby, parce qu'on en a pas beaucoup parlé non plus. Mais avant l'envahi, enfin avant que ça parte en cacahuète, il y avait aussi une belle fête au début. Super sympa aussi l'hommage au but de Fekir des Lyonnais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais le fait de brandir le maillot à la 18e minute. Mais je comprends pas qu'on n'ait pas pensé à ça avant. Mais ça rend bien en plus. En termes d'image, ça rend super bien, mais quoi. Ouais, c'est un truc, je comprends pas qu'on n'y ait pas pensé dans les stades faire ça. Parce que tout le monde a le maillot d'un joueur sur ses épaules du club dans la tribune. Non. Pourquoi ouais, non, jamais c'est... pensé à faire un truc comme ça? Et il a fallu qu'il se passe ça. Mais ouais, c'est sûr que tu vas le revoir dans les stades en Europe. C'est sûr. Ah, ouais, mais franchement, je suis vraiment pas fan du club. Les supporters, ils me laissent plutôt indifférents. Mais en tout cas, je sais pas si c'est les Bad Guns qui ont lancé l'idée ou d'autres assos de Lyonnais. mais en tout cas, chapeau les gars, franchement. C'est une super idée, ça rend super bien et j'espère que ça fera des petits parce que c'était vraiment une belle image. Ouais. Comme pour le tifo des Ultramarines, c'était peut-être l'image la plus sympa du match aussi. Ouais, c'est méchant. Ouais. Ouais. Non, mais par exemple à Paris, il y a eu une histoire récemment, l'année dernière, avec le slogan « Ici, c'est Paris ». Je pense que les Bad Guns à Lyon, ils peuvent peut-être penser à déposer leur tifo. Ouais. Je sais pas comment, mais faire quelque chose, un marketing avec ou je ne sais ouais, quoi. Mais en tout parce cas, que ouais, ça va être trop pompé partout. Bon. Ça va être repompé surtout dans les autres vidéos l'année prochaine. Ah c'est possible. Ah c'est possible. C'est possible. Si ça marche partout. Ouais, mais d'ailleurs, je sais pas si t'avais vu, mais c'était le lendemain du derby à la boutique en fait de l'OL, à l'OL Star. En fait, ils avaient mis le mannequin en fait qui brandissait le maillot de Fekir aussi. Ils ont vraiment su rebondir de façon positive sur toute la polémique qui a eu et le fait que le dernier mot en fait revienne à des supporters. Je trouve que pour clore le débat, c'était super sympa, quoi. Ouais, c'est sûr que par rapport à la semaine passée où il y avait eu tous les débordements, c'est quand même. C'est ça. Alors autant, ouais, c'est vrai que autant les semaines d'avant, on parlait des supporters de façon négative. Oh là là, quoi, autant là quand il faut les mettre en avant, faut en parler. Et d'ailleurs, ouais, et par rapport aussi au respect des des instances vis-à-vis des supporters, j'aurais un petit coup de gueule. Ouais, ça va? Ouais, Gabi? Vas-y. Ah ouais, non, je t'entendais plus, excuse-moi. Non, non, j'avais un petit coup de gueule à faire auprès de la Ligue et du comité d'organisation du championnat par rapport au match d'Amiens. Amiens-Monaco. Ouais, bien sûr. Tu m'en racontes voilà. Ça tout à l'heure. Ouais. Voilà, ben lorsqu'on est respectueux de ses clients, je vais me permettre de parler de clients parce que quand on est supporter et qu'on va au stade, ben on est client d'un service, d'un produit. Et quand on est client en fait de la Ligue 1, je trouve ça scandaleux en fait de dire donc 2 jours avant en fait que le match se jouera à Amiens et pas ailleurs. Nous on est une petite association. On voulait organiser un déplacement pour aller au stade de la Licorne. Bah du coup l'organisation a été plus que compliquée parce que quand t'as tes adhérents qui te disent comment ça se passe et qu'on est juste obligé de répondre on sait pas vu qu'on sait pas où ça va se jouer et ouais. que le communiqué en fait tombe le mercredi soir à 19h30 pour un match qui joue le vendredi. Je vais me permettre d'être vulgaire, mais vulgaire gentil, hein. C'est du foutage de gueule. c'est clairement du foutage clairement, de gueule. Donc, ce qui s'est passé, c'est que deux jours avant le match, vous saviez pas si le match allait se jouer à Amiens ou pas. Et, c'est ça. Et Amiens aussi, c'est quand même une ville où il y a déjà eu un problème de sécurité de supporters avec la barrière. Je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup par rapport à une organisation d'un match. C'est-à-dire, ils réparent les choses comme il faut, mais ils préviennent pas le club adverse pour dire le match va se tenir là ou c'est pas. Ça. On sait c'est pas ça. Si les travaux sont finis ou quoi que ce soit. Si en fait les travaux étaient finis et il y avait une commission qui devait valider pour dire. Et ça avait été le jour même, c'est ça en fait. C'est bon, c'est bien fait, c'est bon, les travaux sont faits, au niveau sécurité, on valide que la tribune avec la barrière tient, vous pouvez organiser un match. Je suis désolé pour les Amiénois, voilà. Dites que le match il est au Havre, voilà, celui-là vous le ratez, je suis désolé, hein. Mais pour les supporters monégasques, c'est pas cool quoi. Même si tout le monde s'en fiche du supporter monégasque. En plus, ça s'est même pas vu parce que le parquage il était plein. Mais il était plein de personnes qui ont dû s'organiser à l'arrache, qui ont fait des concessions ou pas. Hein, je sais pas. Je vais pas juger les gens qui étaient là. Mais pour des petites assos comme la nôtre. C'est compliqué à gérer quand t'as envie de faire la fête avec ton club et puis du coup tu peux pas. Je sais pas si les monégasques c'est le classique problème parce que c'est un problème cette année des retours de trêve internationale où les mecs ils avancent pas, il y a pas d'automatisme. Mais Radji, il est vieux quand même. C'est pas efficace. Il a fait son âge sur le but. Sur le but. Mais après en même temps, c'est dur de dire que là il fait pas l'affaire quand tu vois que c'est un peu lui par son état d'esprit qui a un peu relancé Monaco quand c'était moyen parce que c'est en fait ça qui est marrant, c'est que c'est moins clinquant que ce que ça a pu être l'année dernière. Et pourtant en termes de statistiques, comme quoi les statistiques ça veut rien dire, on avait plus de points avec quasiment autant de buts. Ouais, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Et pourtant c'était pas beau quoi. Enfin tu vois, j'ai envie de te dire j'ai envie de débriefer le match, j'ai envie de te dire mis à part le score qui est flatteur pour nous, hein. Et même si on aura pu le gagner le match, hein, parce qu'à la fin les Amiénois ils tiraient la langue quoi. Bon, ce qui est logique, hein, vu que les mecs ils ont tout donné. Et quand tu vois que Monaco derrière, là ils vont enchaîner une grosse semaine avec un match de Ligue des Champions contre Leipzig et le match de Paris. Mais est-ce que toi t'as senti qu'ils se réservaient pour Leipzig ou pas? En parlant de ça, en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais ils se réservent pour Leipzig. Je pense que c'est pour ça que le match à Amiens était assez faible en engagement. J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui quand tu vois que Kalmami Touré était remplaçant, À l'inverse, que tu vois que ben que Jovetic était était remplaçant, que dès que avant le match, c'était déjà acté que Falcao ne devait pas jouer toute la rencontre, que Carrillo soit titulaire, alors que mettre Carrillo et Falcao, enfin il y a aucune complémentarité, enfin c'est ouais, écrit, sûr, ouais. C'est écrit que ça peut pas marcher, donc j'aurais envie d'aller dans ce sens-là. Mais en même temps, même en pensant au match des Ligue des Champions qui va y avoir 4 jours après, t'es contre Amiens, quoi, avec tout le respect que j'ai pour les Amiénois. Enfin, quand t'es Monaco, tu dois venir et enfin tu dois leur mettre une raclée et repartir, quoi. J'aime pas ce terme, hein, parce que je trouve qu'on le met à toutes les sauces, mais c'est limite une faute professionnelle de pas prendre les 3 points à Amiens, quoi. Cette année, le championnat, il va être il va prendre 20-30 points d'avance s'il y a des équipes qui se réveillent pas, hein, parce que ouais. À mon avis, ça va faire Paris, tu vois, on va parler du match de Paris là juste après. Ouais. PSG Nantes, sincèrement, Paris c'est pas fatigué, hein, pour battre Nantes. Ouais. Par contre, tu vois, j'ai pas trouvé que Nantes avait mis le bus, moi sincèrement. Après, c'est vrai que sur le papier, t'as 3 défenseurs latéraux en défense centrale. Défense axiaux, je veux dire, en défense centrale. Il a triplé le poste. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que PSG est tellement fort, en fait, sur des petits détails qui fait qu'ils se rendent le match facile. Et finalement, l'adversaire, il a beau essayer de mettre le bus maintenant, et ça suffit pas, parce que il n'y a plus aucun danger au niveau des phases offensives de l'adversaire, je trouve, parce que le PSG arrive à récupérer le ballon tellement facilement au Parc des Princes. Bon, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que, tu vois, cette année, le PSG, à un moment donné, même... Parce que là, ils ont de la marge, le PSG, le problème, c'est ça, c'est qu'on va dire jusqu'au mois de février, jusqu'au 8e de finale, le PSG, ils peuvent engranger une sacrée proportion de points, hein, jusqu'à ce moment-là. Je pense que c'est l'idée aussi, hein. Je pense que c'est l'idée quand tu vois le départ canon qu'ils font, parce que voilà, enfin moi j'ai pas regardé l'historique des meilleurs départs en Ligue 1, ouais. Mais c'est carrément pas mal, quoi, ce qu'ils font. Et je pense que l'idée c'est de pas faire comme l'année dernière, où l'année dernière ils se sont dit avec la marche qu'on a, on va partir tranquille et on va monter en puissance, sauf qu'ils avaient perdu tellement de points en début d'année, ouais, que ils sont jamais revenus sur Monaco, quoi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, parce que tout le monde disait l'année dernière que la saison était ratée, mais c'est surtout en fait que Monaco avait été exceptionnel jusqu'au bout. Mais il y a aussi un truc dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans, c'est quand Laurent Blanc avait son équipe et puis il avait dit qu'il fallait à tout prix prendre le plus de points pour être tranquille pour la Champions League. Malheureusement, arrivé en quart, les mecs étaient cramés physiquement. Ouais, parce que pour le coup, ils faisaient pas tourner. Alors que Unai Emery, il fait tourner quand même. Ouais, il commence. Ouais, voilà, c'est pas forcément dans les grandes lignes. Mais de temps en temps, il va pas forcément mettre les mêmes latéraux. Mbappé qui joue pas forcément tout le temps. Même les défenseurs axiaux, quoi. Enfin, tu vois, le fait d'avoir trois mecs super forts, du coup, il peut faire une rotation. Mais du coup, ça se voit même pas, en fait. C'est quand tu regardes les compos, tu te dis, putain, mais en fait, il fait tourner. Mais ça se voit même pas, parce qu'en fait, le niveau est tellement élevé. La différence avec ce qui est en face, en fait, est tellement énorme que du coup, tu t'en rends même pas compte. Ah, je pense que Paris aura une fraîcheur au printemps qu'ils n'avaient pas forcément les autres années, où justement c'était toujours les mêmes mecs qui jouaient, parce qu'ils avaient un super 11, mais ils n'avaient pas forcément de banc. Mais tu vois, je sais pas s'ils pourront forcément mettre l'équipe type arrivée en 8e, s'ils jouent par exemple le Real Madrid ou s'ils jouent l'Atlético, s'ils arrivent à se qualifier. Parce que moi je vois bien un club espagnol en 8e, vu que avec les entre les têtes de série, ceux qui sortent du même groupe et ceux du même pays, finalement t'as toujours les mêmes matchs, ouais, c'est clair. Tu vois que c'est un gros et qu'il faut à tout prix mettre une équipe plus ou moins type, je suis pas sûr qu'il arrive quand même à mettre exactement les joueurs qu'il veuille à ce moment-là, parce que finalement c'est un jeu d'échecs, tu sais, tu vas faire tourner un jour sur deux, un jour sur trois certains joueurs comme Daniel Vess en championnat qui va pas jouer, il avait pas joué à je sais plus si c'est à Angers ou je sais plus où là ils avaient été. Non, c'était à Reims là où il y avait la tribune, c'est ça, c'est Reims, non? Non, Reims, ils sont plus en Ligue 1. Ouais, mais tu vois, c'était un stade où tu sais, t'avais une tribune, tu sais, qui était en construction, là. Dijon, là, Dijon, voilà. À Dijon, t'as le but à la fin du match. Ouais. Et ce match-là, il, tu vois, il était arrivé à un point de turnover avec Thomas Meunier, et puis finalement, c'est un défenseur qui marque parce que les joueurs en attaque n'étaient pas forcément habitués à jouer ensemble. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y avait une composition milieu de terrain qui faisait que les ballons n'arrivaient pas en attaque. Ouais. Et je sais, moi j'ai peur qu'à un moment donné, en faisant ce jeu d'échecs, il faut qu'il arrive bien à compter ce qu'il va faire. Ouais, ouais, non. Et qu'il va remplacer, parce que s'il se plante à un moment donné au niveau du turnover et qu'il met des joueurs qui veut mettre titulaire à ce moment-là et qu'ils ont fait 3-4 matchs de suite et que les mecs sont cramés, parce qu'il faut pas oublier qu'il va avoir la Coupe de France, la Coupe de l'Est. Ouais. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Après, c'est après le ce qui est important, c'est par rapport au huitième, j'entends. Hein. Après, on va pas mettre la charrue avant les bœufs et parler d'écart. C'est que le tirage au sort, il est tellement tôt par rapport aux dates de match que je pense qu'il aura le temps de réfléchir à quelle sera son équipe type pour ce match-là et gérer en conséquence. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on doit se poser une question, c'est quoi l'équipe type de Paris? Aujourd'hui, on sait pas. Parce que la vraie question, c'est si je dois faire une équipe type, l'équipe, tu me dis si t'es d'accord avec moi. Si on doit faire une équipe type de Paris, c'est avec ou Santiago Motta? Ouais. Tu vois, là, je peux répondre que oui, en effet. Tu vois, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que aujourd'hui, ils ont claqué je sais pas combien d'argent sur Neymar, sur Personnellement, je le mets Motta. Mais voilà, alors qu'en fait aujourd'hui. Parce que Verratti n'est pas en forme, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça. Et surtout que Thiago Motta, il a la légitimité pour aller mettre les coups de pied au derrière de Verratti s'il fait pas le job. Il fait défaut de sans se prendre de carton aussi, Thiago Motta. Le mec, il a un métier de fou. Ouais. Et tu vois, et je pense que voilà, au-delà, je pense que tous les autres joueurs, en fait, ils sont interchangeables dans l'effectif de Paris, sauf Thiago Motta. Et toi, s'il y en a un qui doit être protégé, c'est lui. Il s'est fait opérer et lui, il va falloir voir s'il revient plus ou moins bien, quoi. Non, c'est clair. Et puis bon, après il y a le mercato aussi. Les rumeurs de départ avec Di Maria Pastore. Grosse bêtise. C'est un peu brutal, mais en même temps, moi Pastore qui parte, je serais pas contre. Parce que je le trouve pas bon à chaque fois. Enfin, c'est pas qu'il est pas bon, mais il va rentrer 20 minutes, il va être bon que 5 minutes sur les 20. Ouais. Non, et puis, Pastore, c'est genre. Il apporte plus rien, Pastore. Pastore, il est bon quand il est titulaire, en fait. C'est pas le mec que tu peux faire rentrer. Et après, c'est vrai que le vrai souci de Pastore, c'est. Enfin, il est physique, en fait. Parce qu'on sait que le mec, il a du ballon. À Paris, il l'a quand même montré plusieurs fois depuis qu'il est là. Mais c'est vrai que. À Paris, il a pas grandi. En fait, il est arrivé pour devenir une star. Et en fait, il est juste resté un bon joueur. Peut-être que c'est aussi, il avait pas la capacité d'être un très grand joueur. Peut-être qu'il a été survendu. Déjà, il a été surpayé. À l'époque, ouais. C'était pas 40 millions, c'était pas ça. Si, c'est ça. Ouais. Et en gros, Paris avait dit, nous pour marquer le coup, on va mettre plus que tout le monde. On va mettre plus que tout le monde pour dire, voilà, si vous voulez des grands joueurs. Il faudra faire avec nous. Donc du coup, il l'avait surpayé. Et peut-être que à la longue, même si je pense que il a été rentabilisé depuis le transfert, mais qu'à la longue, en fait, cette espèce de fardeau de d'être la tête de gondole, au fur et à mesure, à part la première année, quand il a vu Zlatan arriver, qui a pris toute la lumière, et que lui, il a jamais réussi vraiment à être le lieutenant du patron, tu vois ce que je veux dire. Ah, bien sûr. En fait, il a jamais vraiment trouvé sa place et dans le vestiaire et sur le terrain. Bah en même temps, tu sens que c'est un mec un peu timide, un peu. C'est un gentil isolé. En fait. C'est un gentil quoi, tout simplement. Il a besoin des autres pour se démarquer quoi. Ouais. Il n'arrivera pas à se démarquer tout seul, je pense. Non, c'est ça. C'est pas un Zlatan qui va prendre les joueurs et dire on va faire comme ci, on va faire comme ça. Non, clairement. Il a besoin que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne lui parler et lui dire on va faire ça avec toi, on va faire ci. Et on compte sur toi. C'est vrai que c'est un joueur qui manque de confiance. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a fait bizarre ce week-end. Parce que c'est vraiment la première fois où quand on lui pose la question, est-ce que vous allez partir? Ouais. Où il a clairement dit oui, en gros. Ouais, les rumeurs, c'est vrai. Ouais. S'il y a une porte de sortie, il y a des chances que je parte. C'est pour l'Inter Milan, c'est pas ça? Bah ouais, c'est ce qui se dit. Après, franchement, si c'est pour aller à l'Inter, mec, reste à Paris. S'ils sont en construction et qu'ils veulent faire un vrai projet à l'Inter, c'est bien. Mais si, sincèrement, ils veulent acheter un ou deux joueurs... Non, mais l'Inter, ils empilent les joueurs et après, ils savent pas où les mettre, mais ils les mettent partout, sauf sur le terrain. Donc, ouais. c'est... L'Inter, ouais, depuis 2010, ouais. Malheureusement, ouais. C'est un peu la... Mais par contre, ce sera peut-être aussi intéressant pour Paris. Et ce sera peut-être le plus gros des matchs qu'ils auront à jouer cette année, Paris. C'est justement ce mercato. Parce qu'en fait... les gros clubs ont des gros bancs. Aujourd'hui, on peut dire que Paris est dans cette catégorie. Quand tu vois la qualité des mecs qui sont sur le banc. Mais malheureusement, ils vont payer les joueurs, ils peuvent pas les garder. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sous prétexte que qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, en fait, te dire que tu vas t'affaiblir clairement parce que. À cause du fair play financier, parce que sinon l'année prochaine t'es suspendu apparemment. Non mais juste pour rester sur le sportif, c'est-à-dire que tu vas accepter en fait de faire partir des cadors pour aller ailleurs, sans forcément avoir la capacité de te renforcer à qualité égale. On aura beau dire ce qu'on veut, mais demain si Di Maria il part, je vois pas trop dans ce profil de joueur qui serait à même de venir à Paris sans que tu puisses lui dire. Je te garantis que tu vas jouer. Ils ont la chance d'avoir Draxler qui a le même poste que Di Maria pratiquement. Ouais, mais Draxler apparemment qui serait peut-être aussi sur le départ s'il y a une offre sympa. T'imagines, catastrophe, franchement. Là. T'imagines, t'as trois grosses offres qui arrivent et on te dit je pars dans un délire. Hein. On te met de toute façon maintenant le mercato c'est du délire. Donc ce que je veux dire c'est peut-être pas impossible. Mais il y a un club anglais qui arrive. Qui te dit vas-y moi je mets 60 millions pour Draxler. Un autre qui vient qui dit moi je mets 60 millions sur Di Maria et l'Inter, vu qu'on parlait de l'Inter, qui met 60 millions sur Pastore. Économiquement, c'est super intéressant. Sportivement, c'est intéressant pour les joueurs. Tu te dis il y a moins que ça match. Tu vois, hein, tu imagines le club s'il laisse partir ces trois joueurs là. Ouais, mais c'est deux pas en arrière, on est d'accord. Le projet parisien, c'est deux pas en arrière. Ah et par contre, tu vois, par rapport à tout ce qu'on disait, j'ai peur qu'on aille tout doucement vers ça, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, quand Pastore il dit de façon quasi certaine, ouais, franchement, le départ il est possible, je me dis attention. Tu sais, à chaque fois, on se dit toujours qu'il y a un problème avec l'institution PSG. Moi perso je suis dirigeant, ça me gêne, tu vois, le joueur qui dit clairement franchement s'il y a moyen de se barrer je me barre, c'est un peu tôt, tu vois, c'est un peu tôt et quand tu vois toutes les échéances qui vont arriver, comme tu disais, hein, tu vois, c'est Paris pour l'instant ils sont pas encore entrés dans les coupes, comme en général ils vont au bout, ça fait deux coupes à jouer, là même si c'est pas ce qui fait bander les joueurs, les matchs de coupe, mais ça reste des matchs à jouer. La Coupe d'Europe, le championnat, enfin la saison est tellement longue, voilà. Commencez pas à vous dessaper trop vite parce que non, mais on est d'accord, être à poil à l'hiver, en général c'est pas terrible. Non, on est d'accord, ce sera deux pas en arrière pour Paris de faire ça dans le projet, surtout dans la ligne du projet. Après le problème, tu vois, comme j'ai dit, c'est que ils ont tellement surpayé certains joueurs qu'ils se retrouvent finalement avec des joueurs qui sont un peu trop par rapport à leur cote réelle, si tu veux, y a une inflation et à cause du fair play financier, ils peuvent pas les garder. C'est dans un an et demi, voire, c'est ça, c'est pour dans. Ouais, quand tu vois un mec comme Lucas, Lucas. Ouais, voilà. Ils peuvent pas le vendre. Mais les mecs, ils peuvent pas le vendre. Ils jouent jamais. Comment tu veux le vendre? On sait pas. Les autres clubs étrangers, ils savent pas ce qu'ils vaut. Mais après, t'as peut-être des clubs comme Arsenal. Un mec comme Lucas, ça serait parfait pour eux. Un mec qui déboule à la Walcott ou à la. Un mec qui court vite et qui dit bonjour à la dame. quand il rentre dans le pad, quoi. Comme Santi Cazorla à une époque où. Arsenal, il cherche des joueurs comme ça, mais je pense que il a un petit œil sur lui. Ah ouais, mais il a clairement le profil pour aller là-bas. Ouais. Moi, je le vois bien là-bas, ça serait exactement. Ouais. Parce que des clubs comme Chelsea ou. Par contre, Draxler, Chelsea. Je Ouais. pense que Chelsea, s'ils mettent le paquet sur la table, je pense Ah, il y a moyen. qu'il va atterrir là-bas. Il y a moyen, il y a Le moyen. Barça, j'y crois pas, parce que le Barça, ils ont tellement de problèmes de dettes et Ouais. de restrictions financières. Enfin, moi perso, franchement, aujourd'hui, je suis un grand joueur. J'ai pas en Espagne. J'ai pas en Espagne. Hein. Mais tu Si tu veux être. t'ennuies. Ouais, et vas-y, là, je te laisse parler. Vas-y. Non, parce que justement, enfin, l'argent, c'est devenu tellement important pour les joueurs au-delà du challenge sportif. On a tellement d'exemples, en fait, j'ai presque dire à l'infini, tu sais, des clubs comme ça qui payent pas forcément qui payent pas forcément les joueurs. Ouais. Voilà. À part si t'es la méga star de l'équipe qui est surpayée, bah après les autres, en gros le salaire c'est juste non mais qu'est-ce que tu veux demander? T'as déjà la chance de jouer avec Messi ou Ronaldo, tu vois? Demande pas plus quoi. Alors que voilà ben si tu vas en Angleterre, voilà ben vedette ou pas vedette, ton chèque à la fin du mois tu sais qu'il est fait, Ouais. on te demandera rien d'autre quoi. Bah, tu vois, regarde, j'ai un petit sujet en fait sur le futur de la Liga. Avec Ouais. est-ce que toi tu sentirais pas une petite crise arriver à un moment donné quand Ronaldo va se faire trop vieux et qui Clairement. partira, et que Messi, pareil, trop vieux, partira? On va se retrouver en Espagne avec des équipes bonnes, mais pas forcément avec des superstars dans l'équipe partout. Et finalement, la Liga, je me demande s'ils vont pas un peu souffrir en fait du fait que les droits télé soient peut-être moins forts pour eux, parce que finalement, en Coupe d'Europe, ils arriveront peut-être plus à atteindre les demi-finales ou les quarts de finale. Moi, je sais pas. Moi, je vois une crise annoncée pour la Liga, parce que comme tu dis, tu as des clubs qui ne payent pas leurs joueurs. On a connu le FC Valence à une époque où pendant 3 mois, les joueurs n'étaient pas payés. Il y a eu T'as eu Valence, t'as eu Malaga, Deportivo. même si Malaga c'est un peu particulier parce qu'en gros c'est les mecs qui se sont payés une danseuse et ils sont arrivés puis ils sont repartis, tu vois, Ouais, mais et moi je c'est un peu pense dans le même que esprit. voilà, le départ des grandes stars du Real et du Barça pour cause de retraite ou justement. Mais c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de les reprolonger en fait, Ouais, parce que justement. c'est leur seule ressource finalement. Ouais, mais c'est ça. En fait, il les reprolonge, il les reprolonge, il les reprolonge, parce que derrière, il n'y a pas d'idée, et surtout, derrière, il n'y a pas de thune. Ouais. Enfin, c'est pas pour rien, je pense que c'est pas pour rien si Neymar, il arrive à Paris, hein. C'est parce que je pense que Ils la vie voulaient pas espagnole. lui payer la prime de combien? 35 ou 13? 13 ou 35, ça, y a une différence, mais je crois que c'était une grosse Ouais. prime, Ouais, une c'est ça. Et puis compensation. à côté, le mec, il voit que Messi, il augmentait, alors qu'il est de moins en moins important dans le jeu, Ouais. j'entends, hein. Je vais pas dire dans le club, mais dans le jeu, il est de moins en moins important. Lui, il prenait du volume, il commençait à prendre de la place dans le vestiaire. Et finalement, non, bah non, en fait, tout Neymar que t'es, voilà. Comme je disais, t'as déjà la chance de jouer avec Messi, je sais pas demander plus, quoi. Et Bah, bah du coup, le gars, il est parti, quoi. mais je pense que de toute manière, le Barça, en fait, il joue sur Messi, en fait, par rapport à l'institution Barça, c'est-à-dire c'est un joueur formé au club, il a gagné beaucoup de C'est un trophées, produit marketing, c'est en un fait, c'est un produit produit marketing qui représente l'histoire du Barça moderne depuis marketing. 2006-2007. Et c'est ça qui a fait attirer des grands joueurs pour la Liga et pour justement aussi le Barça. Je pense que Suarez, s'il n'y a pas Messi, je ne sais pas dit qu'il vienne. Je Je suis pense pas que sûr non Suarez, plus. il reste à Liverpool ou il va à Manchester, quoi, quelque chose comme Ah ça. ouais, non, clairement, clairement, ouais. Et là, tu vois par contre que le Barça, finalement, ils sont en train de perdre pas mal de joueurs. Au milieu de terrain, ils n'arrivent pas à renouveler, remplacer les Xavi, les Ah, Iniesta. parce que tu vois qu'Iniesta il fait sa dernière saison et que le mec il est encore super important dans le Ouais, jeu. Tu ça. vois, c'est qu'il y a un souci, hein. Ouais. Pareil là, tu vois, enfin même le Real, hein, tu sais, on nous parle de bon Isco, je pense que ouais, bon c'est déjà la classe. Mais quand on parle d'Asensio, c'est les petits jeunes qui arrivent derrière, qui sont censés te casser la baraque. Moi j'attends de voir hein, quand même, hein. Ouais. Parce que c'est toujours plus facile de casser la baraque quand t'as un Cristiano qui va bonifier tous les ballons que tu vas lui donner. Alors que si tu la donnes à Benz, c'est déjà moins la même chose. C'est un petit teasing pour après. Mais tu vois, on dit pas que la crise en Espagne de la Liga va arriver l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais Ouais. je pense on va dire dans 4 ans et demi, 5 ans, il va falloir s'attendre à Alors soit ils vont être très inventifs, c'est-à-dire ils vont commencer à prendre des joueurs qu'ils ont cachés depuis des années dans leur centre de formation, pour pas qu'on leur pille. Soit ils ont personne et finalement ils vont essayer de revendre pas mal de joueurs de leur effectif pour acheter une grosse star par-ci par-là ailleurs. Et moi je vois la grosse crise annoncée en Liga arriver bientôt, hein, parce que. Ah non, moi je le vois bien comme ça. Et même pour aller plus loin je vois même, tu sais, ces clubs-là, là, tu sais, Barça, Real, Ouais. c'est pour sauver leur miche, repartir dans une quête à la NBA européenne, quoi. Tu sais, Ouais, c'est-à-dire. cracher dans la soupe en fait de la Ligue des Champions Ouais. et essayer d'aller chercher, c'est cette fameuse ligue fermée que les gros clubs aimeraient bien avoir. Tu vois, en se disant voilà, ben si c'est une ligue fermée, qu'on ait des joueurs, qu'on n'ait pas des joueurs, on s'en fiche. Voilà, on a juste à vendre des maillots et dire qu'on est le Barça ou le Real et ça suffira largement, quoi. Ouais. Mais bon, là c'est du foot fiction, j'ai peut-être super loin, Non, mais mais je le on va garder sens. les bandes et on verra dans 5-6 Bah, ans. tu sais, je pense qu'on peut comparer ça clairement à ce qui s'est passé en Serie A. Tu sais, toutes les stars vieillissantes qu'il y avait en Serie A après le départ de Seedorf, de Kaka en 2008, 2006, Ça, ouais. 2006, 2007, Et le niveau, 2008. c'est vautré, quoi. C'est clairement ce qui s'est passé en Serie A. Parce que finalement, qu'est-ce qui attirait en fait les joueurs en Italie? C'était les grandes superstars, c'était les grands clubs qui venaient de des trophées, qui allaient loin en Champions League. Regarde le Milan AC, plus personne ne veut y aller au Milan AC. Ah non, c'est Quand clair. tu imagines ce que c'était le Milan AC il y a 10 ans, Quand c'était tu dis, immense, quoi. C'était une institution le club. quand Ils ont tu tout dis, putain, perdu. on est même Mbaimnyang, Ils sont. Jérémy Ménez, Mais t'es ouais. tu vois Mais ils les. sont tombés où là? Ouais. C'est qui? C'est Ouais. des Thaïlandais ou je sais pas qui, Ouais, des Chinois, qui ont Ah racheté ça? non, Mais c'est ouf, c'est ouf. Ouais. c'est pour Non, mais ouais, non, mais c'est clair. l'institution C'est footballistique, clair. c'est ignoble. C'est Je clair. sais pas. Ils ont de la chance d'avoir la Juve, hein. Ils ont de la chance d'avoir la Juve, sinon c'est un championnat mort. Il y a Sinon, des championnat. cycles comme ça, il y a des cycles. Mais tu vois, je pense que ça, c'est un des sujets sur lequel peut-être voilà, les grandes émissions genre l'After Foot sur RMC, ils vont se pencher un jour ou l'autre. Peut-être qu'ils en parlent déjà, mais la Serie A, c'est, on va dire, non, la Liga, c'est exactement ce qui va se passer dans les prochaines années, hein. Je serais pas étonné, je serais pas étonné. Enfin voilà Mais quoi, je fais une petite aparté, mais je pense que c'est une bonne réflexion qu'on a eue là. ouais, non, clairement, clairement. Mais après, en même temps, enfin sur la Ligue 1 Ouais. de cette, enfin sur la 13e journée là de cette semaine. Ah, C'est vrai que bon, on a digressé un peu par rapport à la situation de Paris, même s'il n'y avait pas forcément grand-chose à dire. Mais c'est vrai que pour les matchs qui étaient censés, enfin, c'est marrant parce que les matchs qui étaient censés être intéressants, l'étaient pas forcément. Et inversement, c'est vrai que quand on voit en fait que on parlait de Monaco, Monaco qui avait pas fait le job contre Amiens en jouant le vendredi, parce que ça c'est vrai que c'est important. Bon, c'est vrai que c'est toujours très important pour les diffuseurs d'étaler les matchs, mais je trouve que sportivement ça fausse un peu, ça fausse un On peu n'a parce jamais que vu Paris jouer un vendredi, hein. Moi, j'ai pas souvenir. Si, Si. il joue, si, Tu me il le joue le noteras vendredi, sur le calendrier la non, prochaine fois. il joue certains vendredis Oui, il y avait eu un. quand Oui, il joue t'as le mardi raison. en Champions League, tu vois, C'était il mais n'y a pas si longtemps, ouais, non, si, ça arrive aussi. Mais ce que je veux dire, mais que sportivement, après, Paris, c'est moins important parce qu'aujourd'hui, ils ont de l'avance. Mais tu vois, un club comme Monaco qui joue le vendredi, bah, t'as Lyon, t'as Marseille, un degré moindre Nantes, tu vois, bah, tu sais, t'as tout le monde qui attend de voir ce qu'ils vont faire. Pour pouvoir après conditionner le match du week-end. Non mais le packaging c'est le même hein, depuis des 3 ans. Si tu Ouais. regardes bien, t'as PSG à 17h, Ouais. t'as un ou deux gros clubs Ouais. en tête d'affiche le vendredi, contre Marseille un le dimanche. et Marseille le dimanche, voilà, Ouais, et le samedi soir, c'est que des clubs moyens qui jouent. non, c'est clair. C'est toujours C'est clair. pareil. Et Donc. ouais, du coup, t'as plus de surprise. Bah, tu vois, quand je parlais de l'histoire des supporters tout à l'heure, bah ça veut dire aussi pareil, bah, que bah, quand t'es supporter de certains clubs, bah en fait ce sera plus facile ou plus compliqué pour aller voir ton équipe en déplacement. Je Ouais. referme la parenthèse. Ce que je voulais dire, ouais, c'est que bah du coup, bah tous les clubs, toute la meute, on va dire, poursuivante, bah en fait c'est plus facile pour eux de préparer leur match, ça en connaissant le résultat de Monaco. Bah j'arrive pas à comprendre que Lyon il fasse pas le job. Bah, c'est peut-être J'arrive tu pas sais à comprendre le laxisme. Ouais, non, ouais, non. Non, mais c'est. Ils dépendent beaucoup de Fekir, hein, Lyon, en ce moment. Ouais. Mais quand je veux dire pas faire le job, c'est pas forcément ne pas avoir le résultat. Parce que le résultat, c'est pas acquis, justement, faut aller le chercher. Mais tu dois tout dégommer. Enfin, non, à la base. Enfin, il faut tout dégommer pour aller pour au moins mettre. Au moins mettre les ingrédients pour dire t'as essayé. Lyon il manque de le perdre ce match là quoi. Après peut-être qu'un de ces quatre faudra qu'on fasse un focus sur Montpellier, mais moi au début de saison Montpellier je les voyais dans la charrette et finalement tu te rends compte qu'ils accrochent tout le monde quoi. Défensivement ouais, ils sont ouais. Et tu dis enfin voilà Lyon ils jouent chez eux et ils se font accrocher par Montpellier. C'est voilà pour un club poursuivant. Enfin, tu dis ils ont raté l'occasion Lyon de revenir à un point de Monaco. Quand tu sais que t'as Monaco PSG derrière, si ça tournait bien pour eux, il y avait la deuxième place à aller chercher quoi. Ouais, je pense que de toute manière Lyon là ils étaient un peu trop sur deux dans le sens ils pensaient peut-être gagner sans Fekir. Mais il y a une vraie aussi, dépendance. Hein. Moi j'ai regardé pas mal de leurs matchs en début de saison. Quand ils font aussi un 3-3, là, c'est contre Dijon. C'est ce match-là où tu as un lob là, de Fekir au milieu de terrain. Là. Dans ce match-là, pareil, Fekir, il est hyper important. Même si c'est un match nul à la fin. Mais c'est un peu comme à un moment donné, sur certains matchs à l'extérieur du PSG. C'est trop poussif, il fallait un ou deux gros joueurs pour avoir une étincelle. Fekir, il a cette étincelle de création en fait ouais. Après, à Lyon qui manque. Ouais. Non, et non, clairement. Clairement. Mais après, je pense que je suis sur ce week-end, sur les équipes de haut de tableau, je trouve qu'il y a vraiment eu un problème d'investissement. Là, je suis en train de regarder le classement. Et donc, voilà. Donc Paris sont premiers, ils ont gagné. Monaco, ils n'ont pas gagné. Lyon, donc deuxième, Monaco, nul. Troisième, Lyon, nul. Quatrième, Marseille, nul. Cinquième, Nantes, défaite. Sixième, Caen, nul. Septième, Saint-Étienne, défaite. Huitième, Montpellier, nul. Neuvième, Bordeaux, nul. Dixième, Toulouse, nul. C'est-à-dire, c'est un truc de ouf. Sur les 10 premiers, t'as que Paris qui a gagné, quoi. Ouais, bah, ça rejoint ce qu'on avait dit dans le podcast d'avant, pardon. C'est que jusqu'à la 10e place, c'est un championnat. C'est le premier championnat, le deuxième championnat, bah, il est juste derrière. Et finalement, en fait, les équipes qui font des matchs nuls, là, bah, elles bougeront pas. Il y a pas. Ouais. Non, mais, non, mais c'est fou. Et du coup, ben. C'est des équipes du même niveau, à part en dessous de Lyon, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est là, tu dis que, on est censé avoir, enfin, pour qu'un championnat progresse, faut qu'il y ait des locomotives. Ouais. Ben, pour l'instant, et ça m'embête de le dire, hein, pour l'instant, en fait, à part Paris, l'espèce d'embellie qu'on avait cru avoir l'année dernière, parce que Paris se faisait bouger par Monaco et Nice, ben, t'as l'impression que finalement, c'est un feu de paille, quoi. Bah, la locomotive, on l'a, quoi, mais malheureusement, la deuxième, on l'a perdue cette année, Monaco. Ça va être un peu difficile de. Moi, je sais pas. Bah Monaco ils vont quasiment aussi vite que l'année dernière. C'est juste Paris qui est super. Qui est encore un niveau au-dessus, qui est reparti. Ouais. Mais tu sais la théorie là qu'avait Canal+, avec Bernard Tapie, qui avait créé une deuxième équipe en France pour concurrencer justement pour remonter le championnat. Pour progresser, il faut des adversaires. Ouais, il faut les adversaires. Mais justement pour que Marseille progresse en Europe, en fait, ils avaient essayé de créer justement une grande équipe en France pour justement qu'il y ait de la concurrence. Ouais, mais cette équipe-là, on est d'accord que tu la racontes pas tous les week-ends. La deuxième équipe forte en France. Bah, clairement. Si tu veux, Monaco PSG, c'est la semaine prochaine, ok. Ouais. Mais PSG rencontre pas Monaco tous les week-ends. Moi, je veux bien qu'il faille créer une deuxième équipe en France forte, mais ça suffit pas. Je pense qu'à un moment donné, le PSG, s'il joue pas dans un championnat fort comme l'Angleterre, avec 6-7 équipes capables de jouer la deuxième place clairement au champion en titre, PSG, moi franchement PSG, je les vois pas gagner une Coupe d'Europe aussi nettement que peut-être qu'une équipe anglaise. Moi je pense qu'une équipe anglaise, 4e ou 5e du championnat d'Angleterre actuellement, a peut-être plus de chances de gagner la Champions League Actuellement, si tu veux, Manchester, moi je pense que Manchester ou Liverpool, Ah, ils sont plus armés, ouais, clairement. voilà, par rapport, tu sais, à À l'investissement qu'ils donnent l'adversité, chaque week-end ouais. et à la mentalité qu'ils ont de gagneur, parce que Paris, ils n'ont pas besoin d'avoir une mentalité de gagneur pour battre Nantes, là. Oh, ah non, non, C'est clairement. Nantes 5e. Nantes 5e, Mmh. c'est une Ouais. insulte, je veux dire, au Ah, j'avoue, classement. ouais, c'est chaud. 4-1, c'est une Ouais. insulte. Bordeaux, ils étaient combien quand ils sont venus à Paris? Ils étaient 3e ou 2e, je sais plus. Ouais, ils 6-2. ont pris une roast. Ouais, non, c'est clair. Ah non, c'est fou, c'est fou. Mais c'est là que tu te dis, est-ce que Paris, tu sais, quand on dit là, ils ont plein de joueurs là, tu sais, quand ils investissent sur des jeunes, plutôt que de les garder, les faire banquette, est-ce que tu vas pas faire Filez-les aux autres, que... voilà. Non, mais voilà, vous les prêtez, voilà. Je prends un exemple, hein, l'exemple qui me vient en tête. Tu vois Gonçalo Guedes là, qui est en train de tout casser à Valence. Ouais. Au lieu de le prêter à Valence, bah tu vois, parler de Bordeaux. Ouais. Prête-le à Bordeaux. Prête-le à Bordeaux, prête-le à Nantes, je sais pas, tu vois, c'est Bien sûr, un pour club renforcer. premier tiers de classement où le mec, en gros, il aura des responsabilités, il va parce que Valence, en fait, c'est un peu, c'est à peu près ce profil-là, en toute proportion gardée, mais ouais, Valence, voilà, c'est comme Bordeaux, c'est l'équivalent de Bordeaux en France, quoi. C'est de temps en temps, ils vont titiller le podium, mais en général, ça reste dans le premier tiers, quoi. Bon, au lieu Ben, de le tu prêter vois, à... ça rejoint ce que disaient des journalistes à une époque quand il y avait le Grand Lyon, c'est-à-dire que Lyon achetait des grands joueurs, achetait les meilleurs joueurs du championnat en France, ok, mais il les achetait cher et ça permettait aux clubs moyens français de se renforcer avec deux Ouais, joueurs d'investir. de bonne qualité. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, si tu veux, le fait que Lyon ait acheté des joueurs à Lille, ça a permis à Lille de garder les joueurs de centre de formation et justement d'investir dans le futur. Après, on a eu Et un Lille d'avoir champion. Eden Hazard, ouais. Voilà, tu as eu un Lille champion parce qu'ils ont pu garder justement les Eden Hazard, il y avait Gervinho, il y avait Cabaye, ils ont pu garder ces joueurs-là. Et grâce à ce que Lyon a fait en France, parce que malheureusement le PSG, eux, ils achètent à l'étranger. Et finalement, les clubs français, ils vont Ah, déjà, ils profitent ils pas en fait de profitent la pas manne du fait, financière. voilà, que Paris soit riche. Mis à part les droits télé, bien sûr. Mais les droits télé, ça te permet quoi? Ça te permet d'acheter un demi bon joueur en Europe. Parce que finalement, je crois que c'est pas énorme hein, ce qui se couche par rapport aux droits télé, les Ouais, Français. non. Ouais, non, non. Bon, après, c'est au-delà de ce qui touche, c'est aussi comment c'est dépensé. Mais ça, je pense qu'on pourra même faire un podcast entier là-dessus. Voilà, c'est quoi le plus intéressant? Payer cher un joueur moyen ou... C'est sûr. Ouais, bah, c'est exactement ce que Ouais, le FC Nantes a fait avec Ranieri. Ouais. Ils ont préféré prendre un super bon coach avec des joueurs moyens que d'acheter un très bon joueur Ouais. et d'avoir un coach minable. Donc, Non. c'est difficile, hein, c'est un peu comme quand tu joues au Monopoly ou quand tu as peu d'argent, tu vas au casino. Tu mixes au rouge ou au noir, tu sais pas forcément ce qui va sortir. Ouais, non, c'est clair. C'est Mais compliqué. t'espères toujours que ça soit la couleur qui te fasse gagner, quoi. Ouais, bah Exactement. justement, je voulais faire un petit clin d'œil sur le Bordeaux Marseille. Bah Marseille qui a encore qui a encore alimenté le Marseille Challenge et qui a encore pris un but en clair, quoi. Le Marseille Challenge. Moi j'appelle ça comme ça, quoi. Ce qui est cool, c'est que maintenant, t'as même plus besoin d'être abonné à la chaîne, tu peux voir au moins un but. Là, avant... c'est un c'est but collector là, parce que là, c'est sans Patrice Evra, c'est-à-dire que ouais. le but il est arrivé alors qu'il y avait des bons joueurs sur le terrain quand même. C'est pas Ouais, pareil. non, pas touche à Patrice. Non, mais Magique. il y avait Rolando encore. Ouais, Ça compte. Ça c'est ouais, mais il est compte. moins souple, Rolando. Il risquait pas de se faire virer. Voilà. Mais comment tu peux en arriver là, quoi? Non, mais c'est vrai que de toute façon, on en parlera plus avec Nico. Ouais, Marseille, c'est sur la continuité. Hein. Ils sont quatrième et je sais même pas à quel moment ils ont atteint ce classement dans le championnat. Ils ont cumulé des résultats à l'extérieur en faisant des nuls à l'extérieur. Tu me diras, gagner à domicile et nul à l'extérieur, ça suffit. Hein, J'ai envie de dire, ils gagnent les matchs qui sont à leur portée, ce que tout le monde ne fait pas forcément, et ils perdent ou ne gagnent pas en fait les matchs qui Ils font doivent pas match gagner, nul, tu quoi. veux dire, ils Parce que, font match nul, puis ils voilà, ne gagnent pas. ouais, tu vois, comme Strasbourg, ils s'en sortent bien, là, ils s'en sortent bien aussi, vu qu'ils marquent à la fin. Il y a une espèce de réussite qui fait que bah, ils arrivent quand même à engranger les points, mais le jour où la réussite elle sera plus là, ben ils vont se retrouver dans le ventre mou. Bah tu sais, quand tu parlais de Bordeaux tout à l'heure, bah tu vois Bordeaux quand ils ont rencontré Paris, ben voilà, ils étaient troisième. Aujourd'hui ils sont neuvième, quoi, parce que justement la roue tourne à tourner. Voilà, une Du Ribéry. coup, ouais, voilà, du coup, plus, moins de réussite et des dégringolades, quoi. Donc, Voilà. qui s'accroche bien à leur quatrième place, parce que c'est pas en jouant comme ça qu'ils vont rester à ce niveau-là, quoi. Ah, c'est évident que Ouais. toute manière, ça c'est le ventre mou, il est à la quatrième place Ouais, jusqu'à la ouais. Mais... 17, jusqu'à la Ouais, 16e place, c'est un ventre mou. mais Franck, je crois que t'as tout dit, en fait. En fait, le championnat de France, c'est un Américain. Il a un gros bide. Il a un gros bide. Et puis Quatrième, quatrième. Et encore, quand tu dis jusqu'à la 16e, quand tu vois que 17e, c'est Nice, tu dis, là, ouais, c'est c'est. inexistant. Hein. En fait, Et Lille aussi. le ventre mou, il est jusqu'à la 19e place, en fait. Lille qui a foutu un 3-1 au 7e. Ouais. Tu vois, alors Saint-Étienne, on en a parlé beaucoup les semaines d'avant, mais Saint-Étienne, c'est la descente aux enfers. Moi, je Bah pense que c'est là, pareil, ils quoi, sont en train de couler à pic. moins de réussite, et ils vont rentrer dans le rang, quoi. Mais Saint-Étienne, c'est même pas de la réussite là. C'est Ouais. que c'est là, ils sont en train de couler, c'est-à-dire là, ils prennent l'eau et le bateau se remplit. Et je pense qu'à la trêve, ils vont être en dessous de la 10e. Et à la fin de l'année, je le vois bien entre la 15e et la 20e. Ouais. Et, sur, et C'est surtout que Saint-Étienne, le coach ne s'est pas fait virer. Le mec, il a démissionné. tellement il n'en pouvait plus. Le mec, il a démissionné. Enfin, c'est pour moi, c'est grave, quoi. C'est plus C'est quand grave, tu vois. Quand tu vois la majeure partie des coachs, ils attendent, en fait, de se faire virer pour toucher les indemnités, pour que le mec, en gros, il se dise, ah, vas-y, je préfère partir. C'est que soit il a un super contrat qui l'attend derrière, soit que c'est vraiment pas possible, quoi. Et je pense que c'est pas possible à Saint-Étienne, de faire quoi que ce soit, quoi. Bah, les joueurs sont pas bons, hein. Mais comme avait dit, je sais plus si c'était Larquet ou si c'était. Ils ont acheté Söderlund sur un match en Coupe d'Europe où il avait Ouais. fait bon, et finalement Söderlund, c'est une arnaque. Enfin, c'est pas une Ouais. arnaque, mais c'est comme Mitroglou. Mitroglou, le mec. Moi, je suis pratiquement certain que le mec qui a cherché à recruter Mitroglou à 15 millions d'euros, il a regardé une VHS ou un DVD quand il jouait à Benfica il y a 10 ans. Mais tu vois, Ouais. j'exagère. Mais il l'a Après, regardé au début de sa carrière. je pense qu'on le met pas dans de bonnes conditions non plus, Mais tu sais que Mitroglou, il Mitroglou. joue blessé encore, hein. Ça, Ben ouais, mais c'est pour ça, ouais, quand je il a dis un qu'on le met mal pas de dans dos, il de joue bonnes conditions. blessé. Bah tu sais que Evra, c'était pareil, hein. Evra, il arrive à Marseille, les mecs, ils l'ont fait jouer blessé. Tu vois, du coup, on revient sur Marseille, mais Marseille, enfin, c'est peut-être un problème qu'on a en France aussi, c'est qu'on prend pas soin de on prend pas soin des outils. Enfin, quand je parlais d'outils stade, mais l'outil joueur, en fait, on n'en prend pas soin, quoi. Et en général, bah, le mauvais ouvrier, il a le mauvais outil. Tu vois, on fait rien pour que l'outil soit bon, quoi. Mais de toute manière, combien de fois on a parlé à Lyon du problème de blessures récurrentes dues aux kinés à Lyon qui ont été licenciés à un moment donné? Ouais. Mais il y avait énormément de blessés à Lyon à une époque et on en parlait beaucoup. Ouais, je sais que c'était Duverne, en fait, qui était trop chaud, dans ce Ouais, qu'il voilà, demandait les aux joueurs. compétitions de début de saison étaient trop intenses et malheureusement, tu avais trop de joueurs qui n'apportaient pas. Bon, faut savoir aussi que par exemple, enfin, on va en venir juste après parce qu'on a fait un peu le tour de la Ligue 1, mais justement, Karim Benzema, dans le reportage qu'on a vu, il montre un peu son domicile et chez lui, par exemple, il a, on va dire, un atelier de soins avec. Des bains en fait pour relaxer les muscles si tu veux en fait il explique que il a besoin en fait de faire ça après un match pour se relaxer maintenant l'histoire des bains avec des glaçons ça n'existe plus quoi en fait maintenant la meilleure façon de récupérer c'est de se mettre dans des bains chauffants après des bains plus froids Ouais, pour mais là c'est là relaxer les muscles mais voilà. là c'est là tu te dis où c'est grave. C'est après, si tu veux, on parlera du cas Benzema, vu que c'était le nom du reportage. Mais c'est connu, en plus, des clubs. Mais t'as de plus en plus de joueurs aujourd'hui, en fait, qui, à côté des entraînements qu'ils font, en gros, qui prennent des coachs personnalisés, enfin, qui font du coaching personnalisé, en plus de ce qu'ils font, À à leur l'entraînement. boulot. Tu sais, ouais, je préfère dire à leur boulot, parce que ça veut dire, pour moi, deux choses, quoi. Ah, Soit à comment? l'entraînement, soit tu te donnes pas assez, si t'as besoin encore d'aller courir avec un mec que tu payes pour ça. Ouais, ou soit tu fais pas ce que te demande le club. Soit les entraînements, ils sont vraiment pépères, et tu vois, et si même Benzema, dans un club comme le Real, enfin, le mec, il a besoin d'avoir un truc à dispo chez lui pour sa récup, c'est que c'est grave, quoi. Non, c'est pas forcément. Enfin, Benzema, je veux dire, non. Quand je dis, c'est plus pour la récupération. C'est pas forcément. Mais je pense que ce que tu dis dans les clubs français, ça peut s'appliquer parce que je pense que quand tu vois des joueurs qui n'arrivent pas à tenir 3-4 matchs d'affilée sans être fatigués, je pense que c'est des joueurs qui font justement, comme tu dis, que ce qu'il y a dans le club ou alors qui font des choses. Soit trop, soit pas assez. Il y a un problème de gestion en fait de l'effort après match en fait. Ouais. Et peut-être que c'est des joueurs qui dorment mal. Quand c'est Verratti par exemple qui sort beaucoup apparemment, qui fume. Les Messi qui mangent des pizzas. Tout ça, ça joue beaucoup quoi dans un organisme qui pèse. Les joueurs de foot, faut dire aussi, ils sont très légers donc. Je pense que les blessures arrivent plus vite à un moment donné, quoi. Il y a moins de résistance musculaire. C'est des vrais athlètes de très haut niveau. Ouais, c'est de la machine de pointe. C'est de la machine de pointe, ça se règle au millimètre. Mais ce que je voulais dire, c'est que je reproche pas à Benzema d'avoir le truc chez lui. Hein. C'est que pour moi, ça devrait être dans le club en fait que ça devrait se faire. Ça serait au niveau du club. Après, on sait pas si c'est une initiative personnelle ou ça se trouve c'est le club qui a mis ça en place. Mais ça fait toujours bizarre en fait de dire que même quand t'es chez toi, du coup t'es encore au boulot. c'est dans cet esprit-là en fait que je disais ça. Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Si tu veux, on parle du reportage Canal Plus l'autre jour. Personnellement, en fait, moi j'étais impatient de le voir. J'étais impatient de voir parce que je me suis dit, on est sur Canal Plus, on va parler de foot. Et finalement, je me retrouve avec quoi? Avec un reportage. Avec 45 minutes de faits divers, d'histoire en équipe de France, de rumeurs, de. Et on parle pas de foot. Et finalement, tout ce que je pensais être dans le reportage pour justement légitimer Benzema aux yeux de. Rendre légitime Benzema aux yeux de Deschamps, pour le reprendre en équipe de France, on a ressorti toutes les casseroles, on a été chercher derrière, je me suis retrouvé devant un documentaire, je trouve mal fait, personnellement j'ai trouvé mal fait, parce qu'on a résumé un peu plein de choses à l'encontre de Benzema et finalement qui lui servait pas. Pour le revaloriser. Surtout que c'est lui, en gros, c'était un peu une commande de Benzema, quoi, le reportage pourtant. Et est-ce qu'il avait vu le reportage, tu penses, lui, avant qu'il soit diffusé? Je pense que ouais, parce que franchement, moi, je suis vraiment pas fan du joueur. J'ai pas jugé l'homme, je le connais pas, mais ce qu'il dégage, je suis pas fan non plus. Mais une qualité que je pourrais pas lui enlever, c'est que le mec, il est quand même plutôt bien entouré. Et je pense que si ça a été fait comme ça, c'est que ça a dû être super validé, quoi. Ouais. Super validé. Et je pense que surtout l'idée c'était de conforter les pro Benzema, tu vois. Et une façon de dire que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, je m'en fiche. Moi, je suis comme ça et je changerai pas. Tu vois, moi quand j'ai regardé le KFC. Le Karim Football Club. Quand j'ai regardé, je me suis dit mais c'est grave. Ouais. Lui c'est grave. Que en gros pour moi c'est bon le terme est un peu fort et peut-être pas forcément adapté mais c'est pour l'idée. En gros le mec et son équipe de com en gros ont pris en otage le Canal Plus. Pour la soirée aussi ouais. Et puis à un moment donné tu vois je fais juste une petite aparté mais à un moment donné on pose la question au mec qui a fait le documentaire je sais plus son nom malheureusement je le rendrai pas hommage on lui a demandé mais vous faites ça pourquoi en fait vous faites ça pour valoriser Benzema ou pour il a pas su répondre en fait tu vois ce que je veux dire il a été dans le flou en fait c'est ce que j'allais dire je pense que ça a été très habile très fin mais de façon pas forcément dirigée dans la façon dont c'est fait mais de façon dirigée dans l'interprétation que les gens peuvent en faire. Au début du reportage, à un moment tu vois Thierry Henry. Thierry Henry qui a priori n'a pas de grief particulier avec Benzema et qui n'a rien à perdre, rien à gagner s'il parle de Benzema. Et en gros dans les premières minutes, donc Thierry Henry quoi qu'on en dise qui est une légende du foot français, où il dit moi on convient, on me demande on me demande pourquoi Benzema n'est pas en équipe de France, et il fait franchement je sais pas, c'est pas moi qu'il faut demander. Quand je te le dis comme ça, ça paraît très neutre. Ouais. Mais mis dans le contexte du reportage, ben si t'es un pro Benzema, ça peut se transformer, t'as vu. Même Henri comprend pas pourquoi Benzema il est pas en équipe de France. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. C'est connoté, bien sûr. Et voilà. Et c'est dans cet esprit-là en fait que je trouvais quand je parle de prise d'otage, c'est que tout était fait de manière que ça aille que dans son sens, que dans son sens. C'est il a rajouté Zaya par-ci par-là pour dire voilà. Et pour dire, vous avez vu même cette histoire-là, voilà, on a cité mon nom, mais j'en suis sorti quand même. Ouais, mais ton nom a été cité quand même. Et la chance que tu as eu, c'est que Ribéry l'a pris pour tout le monde. Tu vois, parce que dans Sparta, il y avait Benzema, il y avait Govou, il y avait Ribéry, mais voilà, Ribéry l'a pris pour tout le monde. Parce que finalement, dans l'affaire Zaya, qu'est-ce qui dédouane Benzema? C'est qu'il n'est pas donné l'argent, il est pas payé pour avoir des relations avec elle, il a eu des relations gratuites. Ouais, voilà. Mais ton nom il est sorti, t'es censé être sali, t'es mouillé, quoi. Mais comme en fait Ribéry l'a tout pris. Bah le mec dit vous avez vu, je sors de cette épreuve là, l'autre d'après, j'en sortirai quand même. Avec ou sans équipe de France. Mais finalement, tu vois, mettre ça dans le reportage, à quoi ça sert de mettre ça aussi pour parler de football et dire Benzema c'est un bon joueur de foot, il mérite d'aller en équipe de France. Parce que la finalité de ce reportage, c'est justement à ce moment-là, tu sais, avant le mois de décembre, parce qu'on sait que l'équipe de France va jouer au mois de mars le prochain match. Donc il faut faire quelque chose de marquant maintenant, en fait, pour que Deschamps réfléchisse pendant les 3 mois où il se passe rien. Tu sais, pour le prendre après, on a tous compris ça. Et parce qu'une fois que le groupe Eiffel, au mois de mars, là, les mecs là, qui sont là, c'est eux qui vont aller en Coupe du Monde pratiquement. Hein, mais clairement. Et c'est pour ça en fait où j'arrive pas à comprendre en fait la ligne éditoriale de Canal+. Parce que tu sais que le mec il ira pas. On sait pas forcément dans quel camp, même si j'aime pas le terme, dans quel camp sont les chroniqueurs de Canal. Mais en tout cas, ils ont tous baissé leur froc en sous-entendant que c'est pas normal que Benzema soit pas en équipe de France. Toutes les questions allaient dans son sens. C'est comme si, tu sais, limite, j'avais l'impression que c'était un entretien politique où, tu sais, le mec... Avec un roi, il prépare les questions, et en fait, le journaliste, il est juste là pour les poser. Tu vois, c'est... pas déranger non plus la noblesse. Non, c'est ça. En gros, l'idée, c'était juste de faire l'événement en disant, voilà, Benzema, il fait la gueule à tout le monde, Manu, il nous parle. Tu vois, et ça a marché, hein, parce que après l'équipe, ils ont rebondi dessus. Sur Eurosport, j'ai eu des notifs où ils parlent de Benzema, machin. En gros, du coup, ils ont fait un buzz pendant 3-4 jours autour de l'histoire de Benzema, alors que t'avais l'équipe de France qui jouait. C'est-à-dire que le gars, il dit qu'il a monopolisé, l'actualité. Il dit qu'il aime l'équipe de France, mais il fait tout pour que ça pose des problèmes. Bah, ça a pas loupé en plus, tu vois. Le lendemain, conférence de presse avant France-Allemagne. Putain, t'as un super match qui se prépare. Et on demande et on parle de Deschamps, on lui parle de Benzema. Et le pire, c'est qu'on reproche à Deschamps de pas donner les raisons pour lesquelles il prend pas Benzema. Mais à chaque fois, on lui pose ces questions. C'est un truc de malade parce que. Mais j'ai envie qu'il dise. Mais pourquoi il dit pas ? Je suis sélectionneur, je prends qui je veux sur les critères que je veux. Voilà. Karim ne correspond pas à mes critères, qu'il soit sportif, extra sportif, ce que vous voulez. Il est pas là. Pourquoi je devrais justifier pourquoi Benzema n'est pas là alors que quand je prends pas Corchia, ça dérange personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que demain tu dois dire pour tous les joueurs voilà pour telle raison je te prends pas. L'autre il dit Deschamps il m'appelle pas. Mais t'es qui pour réclamer que Deschamps il t'appelle? T'as gagné quoi toi? Parce que ça aussi ça m'a beaucoup dérangé. Parce que le nombre de fois où que ce soit dans le reportage ou pendant l'émission, il nous a rabâché moi j'ai gagné des Ligues des Champions. Non, c'est le Real Madrid qui a gagné des Ligues des Champions. C'est pas Karim Benzema qui a gagné des Ligues des Champions. Voilà, sur la coupe, il n'y a pas écrit. Un égocentrisme. Et même dans le reportage, tu vois, le mec il parle, et puis tu sais. Pas forcément très net, mais tu sais, un peu flouté, tu sais, le mec est dans la salle des trophées, tu vois les Ligues des Champions. C'est pas toi qui les a gagnés, c'est le Real Madrid. Quand il grave le nom des vainqueurs, il y a écrit Real Madrid, il n'y a pas écrit Karim Benzema. Oui, t'es un joueur du Real. Mais tu vois les résumés des finales pour voir si t'as été important. Moi, j'ai pas souvenir. Hein. J'aime pas téléfoot, hein, parce qu'il parle jamais rien. Je sais pas pourquoi, pourtant je regarde. Ou j'essaie de regarder. Ouais, non, ouais, non, mais c'est ça. En fait, c'est machinal, en fait. Et je sais pas si toi t'as regardé dimanche. Non, c'est fini. Bon, moi, téléfoot et moi, c'est fini. Hein. Ouais, non, c'est clair. Non, mais tu vas voir, tu sais, pour montrer le manque d'objectivité. Et en ça, je pense que ça l'a pas aidé, Benzema. À chaque fois, il sortait des stats improbables, tu sais, des classements combinés, des trucs. En fait, que des, genre entre la 50e et la 70e. Que des stats, en fait, pour mettre en avant Benzema. Téléfoot, ils ouvrent quasi, tu sais, sur l'équipe de France. Après, et ils sortent. Téléfoot, ils parlent de la Casette. Ils sont pro Deschamps. Hein, alors, oui. Vas-y. Ah, oui. Non, mais par contre, j'étais mort de rire, quoi. Vas-y. J'étais mort de rire. Et ça, c'est marrant parce que sur Canal, ils l'ont pas sorti cette stat-là. Donc, ils disent donc les joueurs français les plus prolifiques sur l'année 2017, sur l'année civile. D'accord. Donc, ouais. Le reportage était sur la Casette, donc c'était la Casette qui a mis le plus de buts. Avec, je dis une bêtise, hein, je dis à la louche, genre 32 ou 33 buts. Donc la Casette, toute compétition confondue, le joueur le plus prolifique. Après c'est Mbappé, après il y avait Giroud, Griezmann. Tu sais combien de buts il a mis Benzema en 2017? Non. Toute compétition confondue, non. Selon Téléfoot, 11. D'accord. 11 buts. T'es attaquant du Real Madrid, tu réclames une place en équipe de France, t'as mis 11 buts. Franchement, réclame rien, mec. Ouais, mais c'est une stat parmi les autres, mais c'est même pas. C'est même pas ça qui aidera ou qui pénalisera le joueur, quoi. Oui, non, c'est clair. Pareil, à aucun moment. Enfin, si, ils l'ont abordé, mais vite fait. Quand t'es resté, je sais pas combien de matchs d'affilée en équipe de France sans jouer, et que Deschamps te rappelait tout le temps, il te mettait titulaire, et t'étais vraiment pas bon. À aucun moment, t'as fait un reportage en disant, faut pas me prendre parce que je suis une bille. Non, mais là, on est arrivé à un point, ça devient ridicule. Tu sais, moi, je me rappelle d'un truc, quand il a compris qu'il n'allait pas être pris, même quand Jacquet est venu le voir avant l'Euro 96 en lui disant « J'ai besoin de toi en tant que numéro 10 ». Non, j'ai besoin de toi avant-centre, pardon, excuse-moi. Oui. Oui. Parce que Zidane va jouer numéro 10. Ouais. Cantona, il a refusé par respect pour Aimé Jacquet, pour l'équipe de France, en disant « Non, je suis pas capable de jouer là. Je veux pas jouer. » Moi, je pense pas que Cantona, il ait dit « Non, je veux pas jouer là. » Il a dit « Je suis pas capable de jouer là. » Oui. Et ils, d'un commun accord, ils se sont dit « Voilà, on pourra pas. » Soit tu joues avant-centre, soit tu joues pas, quoi. Et il a été Cantona a été assez intelligent pour comprendre que finalement l'équipe de France pouvait évoluer sans lui et gagner des titres et pas penser qu'à sa personne. Comme tu dis, c'est pas Karim qui a gagné la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Et l'équipe de France, si elle peut tourner sans toi ou avec toi, et qu'elle gagne, Cantona, il était content à un moment donné pour l'équipe de France. J'ai jamais entendu Cantona cracher sur l'équipe de France à l'Euro 96. Ah non, c'est clair. C'est comme Ginola en 98. Ginola en 98, il y a une anecdote, c'est qu'il est commentateur pour la TV anglaise. Je sais pas si c'est la BBC ou. Et il pleurait de joie que l'équipe de France ait gagné la Coupe du Monde 98. Ouais. Il a jamais craché après. Il a jamais dit il m'a pas appelé, ceci, cela. Mais il a compris que l'équipe de France, ça lui appartenait pas. C'est plus fort que lui, voilà. C'est pas. Et j'ai même envie de dire, c'est pas un dû. Enfin voilà, une sélection nationale, c'est pas un dû. C'est pas t'es supposé être le meilleur, bah t'es pris. Ça reste une équipe. Et une équipe nationale, c'est composé de joueurs qui viennent et qui partent. Bah toi voilà, t'as eu ton heure, t'as brillé. Et j'aime aller plus loin, et après je finirai là-dessus parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant de parler de Benzema. C'est que le mec, en fait, en filigrane. En gros, il dit que il a pas réussi en équipe de France parce que les joueurs qui étaient là à l'époque où il y était, ils étaient pas bons. Ah d'accord. C'est-à-dire que lui, il est pas assez fort en fait pour soulever le groupe. Il a besoin qu'aujourd'hui, en fait, il aimerait bien jouer avec Griezmann et Mbappé parce qu'à l'époque où il jouait avec Nasri et André Pierre Gignac, c'était pas assez fort. C'est super sympa pour ceux qui étaient là à l'époque, quoi. Ouais, mais ça lui sert pas de dire ça, parce que ça veut dire que finalement, c'est un joueur qui est pas assez fort et qu'il a besoin d'un mec qui lui donne les ballons parce que lui, il est pas capable d'aller se créer des actions, finalement. Mis à part faire un dribble contre l'Atlético Madrid en quart finale ou en demi-finale. Par contre, on l'a vu en boucle. Hein. tu remontes 20 fois cette action-là dans une cour d'école d'un mec qui a fait une passe. Enfin, je veux dire, quand même, il peut faire une bonne action par an, c'est clair, ah oui. avec le niveau qu'il a, soi-disant. Ouais. Mais s'il vit dans l'ombre de Ronaldo qui lui permet d'avoir des espaces, c'est sûr que c'est plus facile. Ouais. Mais si, en plus, il se permet, tu vois, ça correspond exactement à l'image que j'avais, en fait, tu me racontes ça. S'il a dit, parce que le reportage, il m'a tellement énervé à un moment donné, je crois que pendant 10 minutes, je suis parti, il a dû dire ça pendant cette période. Mais de dire que ses coéquipiers sont pas assez forts pour jouer avec lui, ça veut dire que déjà lui, il n'est pas capable de monter le niveau soulever du un groupe groupe, avec lequel il joue. Et qu'il a. Enfin, je veux dire, c'est un aveu de faiblesse, un en aveu fait. De faiblesse. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse de dire ça. Il n'a pas réfléchi quand il a dit ça. Non, clairement, clairement. De toute façon, c'est pas réfléchi. C'est clairement pas réfléchi. Et j'ai même allé plus loin, tu sais, dans. J'ai dit que je finissais, mais non, en fait. C'est un dernier. Après, promis, je parle plus de Benzema. C'est que tout le monde dit si ça fait plus de. Ça fait 9 ans qu'il est au Real Madrid. Qu'il est au Real. Et ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire un truc. Non, ça veut dire un truc. T'as déjà entendu une rumeur de transfert sur Benzema? Rarement. Non, tu vois ce que je veux dire? Même sur Ronaldo, qui est censé être intransférable, des fois t'en entends. Même sur Messi, des fois t'en entends. T'as déjà entendu une rumeur de transfert sur Benzema? Non, jamais, jamais. Quel club s'intéresse à Benzema? Je crois qu'il y a Manchester une fois. J'ai souvenir à un moment d'Arsenal. Ouais. Un moment Arsenal. Ça a peut-être mais, un jour ou une semaine. Mais encore, c'est Wenger qui avait dit, tu sais, quand il commentait sur TF1, oui, effectivement, genre comme ça pourrait m'intéresser. Et du coup, ça avait fait la une. C'est devenu. Des gens en Angleterre 2 jours après, tu vois. Mm-hmm. Mais c'est peut-être pas anodin aussi, hein. Si le mec il est resté, peut-être parce qu'il a jamais vraiment eu de porte de sortie. Parce que je suis pas sûr que d'autres clubs soient intéressés par Benzema. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense que on a aussi on parle souvent en fait de l'ego des footballeurs qui souvent pour la plupart les tirent vers le haut. Bah je pense que lui en fait son ego en gros l'a peut-être fait rater une belle carrière internationale, même si elle est belle quand même sa carrière, on peut pas dire le contraire. Ah non, il a une belle carrière, mais quand je dis une carrière internationale, c'est en équipe nationale, voilà. Enfin, quand j'ai vu le nombre de buts qu'il avait mis, tu vois, je me suis dit, c'est marrant, mais je me rappelle de rien, quoi. Rappelle de rien. La Coupe quoi. De France, même la Coupe du Monde, même la Coupe la Coupe en du Monde. En 2014, il a fait une belle Coupe du Monde, on peut pas dire. Non, de toute façon, je t'en parlerai moi de ma théorie sur la Coupe du Monde 2014, qui pour tout le monde était réussie. Pour moi, elle n'était pas réussie du tout, quoi. On a juste battu les équipes qui étaient à notre portée. Et le premier obstacle qui est arrivé, on s'est pris le mur allemand, quoi. Dès que le niveau est monté, il a disparu. Quand même, hein. Hein? Ouais. On a mieux fini, on va dire. Une partie plus digne. Mais enfin bref. Voilà, je pense que je dirais plus rien sur le sujet parce que je pourrais en parler des heures et des heures et j'ai pas envie de gâcher ma salive. Pour résumer, clairement, pour moi, ce reportage, il était pas bien fait. Il était trop flou, en fait. Ça laissait trop de questions sans réponse. Et comme tu as dit, j'ai pas trouvé les chroniqueurs trop bienveillants, c'était objectifs, trop bienveillant. Ouais. Voilà. Pierre Ménès, qui lui d'habitude désingue tout le monde, alors là c'était lèche-moi ci, lèche-moi ça. C'est ça. Lèche-moi et lèche-moi sont sur un plateau. voilà, non mais j'ai trouvé ça assez lamentable. Le CFC, je trouve qu'à un moment donné, ils étaient remontés dans mon estime et là ils sont redescendus au fond du trou. Mais d'ailleurs, Habib Bey, il était pas là ce jour-là. Hein. Ah, comme par hasard. C'est vrai que j'ai pas remarqué. J'ai pas souvenir qu'il soit là. Bah, peut-être qu'il s'apprécie pas forcément non plus entre Lyonnais et Marseillais. Donc... Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils ont peut-être choisi aussi ce jour-là les chroniqueurs qui étaient prêts à baisser le froc. Les plus aimables, les plus polissés. Ouais. Mais tu vois, déjà, regarde quel jour on est là. Ça doit faire une semaine ou 10 jours que c'est passé le reportage, je sais plus. Ben, dans les médias, on n'en parle plus du tout. Parce que finalement, les médias, ils se sont dit, mais ils ont fait un reportage, super, ça devait être le truc du siècle pour faire venir Benzema. Il était tellement mauvais ce reportage qu'il a servi à personne. Ah non, et il est tombé au fond surtout du zoo. Hein. Et surtout pas à lui. Non. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser aux vieux documentaires là que tu vois sur les joueurs qui ont raté leur carrière. Il a fait ci, il a fait ça. Ouais, les Anglais aiment bien faire ça. Ouais. Ouais, Les... avec George ouais. Best, il l'a Ouais. vu, il a tout, il a Ouais. tout. Voilà. Et... Benzema, après, il a gagné des titres et aucun Ouais. problème. Mais il y a trop d'extra sportifs. Il y a Ouais. 50% d'extra sportifs sur un reportage qui doit valoriser un joueur à l'œil du public parce que Ouais. il n'a pas choisi le CFC par hasard, si tu veux, parce que le CFC, c'est un truc en clair, assez populaire, l'émission, Ouais. Bah et si t'as pas avec une d'abonnement, si grande t'as pas audience. d'abonnement à gauche à droite, c'est la seule émission où t'as du foot Voilà, en clair, une quoi. grandeur d'audience parce que Téléfoot, c'est le Avec des matin. images, hein, j'entends. Ouais. Ouais, bien sûr. Il y a Téléfoot, tu sais que c'est un petit produit promotionnel de l'équipe de France, donc il n'y aura jamais ce truc-là là-dedans. Et beIN Sport, c'est pas en clair. C'était le seul moyen de montrer ça là. Et ils ont, comme tu dis, ils ont pris en otage le CFC avec ce truc-là, parce que c'était un mec de Canal qui l'a fait. Et finalement, ça, pour moi, c'est un flop énorme. Et là, ça scelle définitivement Ouais, là c'est clair. l'histoire Là c'est clair. S'il demande des explications, s'il y a personne qui est capable de lui dire, filez-moi son numéro, je lui Ouais, expliquerai. bah, moi je pense Ouais. qu'à un moment donné, il faut arrêter de demander des explications, faut essayer Faut se remettre en cause. de se Faut se remettre en remettre en cause cause. et de commencer à Essaye, c'est lire des pas bouquins et de développer son intelligence. grave. Ouais. S'il comprend pas les choses, On pourra plein pour lui. voilà. Voilà. Donc Non, c'est clair. voilà, on va terminer aussi rapidement avec deux faits marquants en fait de la semaine. C'était bon, le retour d'Ibrahimovic et de Pogba à Manchester. Manchester, ouais. Je sais pas si toi tu as vu le match de Manchester face à Alors j'ai Newcastle. pas vu le match, mais j'ai vu les petits résumés avec un Pogba bien en jambes. Ouais. Est-ce que cette petite blessure lui a aussi remis la tête à l'endroit au niveau du jeu? Ben bon, on verra. Bon, en tout cas, sur ce que j'ai vu, très disponible et pour le coup aussi très efficace. Et puis Ibra en mode ciseau. Je me dis pour le boulard, heureusement qu'il a pas marqué pour son retour. Mais par contre, ça peut être une cartouche intéressante dans le fusil mancunien avec la Champions League qui arrive. Avoir Ibra. Enfin, quoi que pour la Champions League, je sais pas s'il est inscrit sur la liste, je suis pas sûr. Mais Ah, en effet, ouais, peut-être. par contre, dans tous les cas, voilà, même s'il joue pas en Ligue des Champions, bah, ça pourra donner. Ça pourra amplifier la rotation, c'est entre ceux qui pourront la jouer justement avec des champions et les matchs de championnat. Ouais. Et c'est vrai que c'était un match idéal pour Pogba et Ibra de revenir parce que Newcastle, c'est pas une grosse équipe. Et c'était un match qui demandait pas forcément beaucoup d'implication, d'engagement. Ibra, il est rentré à un moment donné quand il y avait déjà un score assez large, je Ouais. crois. Donc finalement, il n'a pas eu une tâche difficile. Bon, j'ai pas vu sa performance, mais à l'âge qu'il a, je pense que c'est vraiment sa dernière saison en Europe. Moi, Ouais. je ne le vois pas continuer l'année Mais prochaine du tout. déjà, je pensais même pas qu'il Revenir. allait empiler. Hein. Bah, C'est d'ailleurs, vrai, c'est trop. à la base, même quand il s'était blessé, Manchester, ils n'avaient pas prévu de le prolonger. Hein. Je pense que c'est Ouais. parce qu'il a pas trouvé de contrat à côté qu'ils se sont dit on va faire un geste. Hein, Ouais, et puis je pense que c'est peut-être aussi, tu sais, pour remercier le remercier par rapport à sa carrière, c'est peut-être symbolique en disant. C'est peut-être un coup marketing, tu sais, en disant Ouais, voilà, le dernier club de Ibra, c'était Manchester, il a fini avec un peut-être grand aussi. club. Après Manchester, c'est plutôt un club classe, hein, même si les temps changent. Hein, mais je sais pas si tu te rappelles, c'était Van Nistelrooy qui devait venir à Manchester et qui s'était blessé, qui s'était fait les croisés, je Il l'a crois. Et pris du coup, blessé, ouais. en fait, ils se sont dit, mais voilà, nous, on voulait te prendre et on te prend quand même. Alors qu'à l'époque, les joueurs, bah, si t'es blessé, il n'avait pas encore signé, tu vois. Ils attendent de voir si les mecs qui reviennent pour les prendre, alors que Manchester, ils avaient dit non, vas-y, nous, on était sur toi, mais on te garde quand même. Donc, ça reste un peu dans cet esprit-là. Et c'est cool de se dire qu'il y a encore un peu de classe dans le foot, quoi. Ouais, donc voilà. Ibrahimovic qui rend pile pour on va dire 4 mois, 4-5 mois, vu qu'il relate. Bah, il n'y a pas trop de trêve en Angleterre, donc il va faire 5 mois, Non, ouais, ça, ouais. un bon 5 mois. Et puis Ouais. Et après, il est resté. après comment dire, l'équipe de Suède, je pense pas qu'il reviendra parce que le sélectionneur a clairement dit que non, c'était terminé. Après la qualification contre l'Italie, Ouais, on lui a mais posé la question, il a dit non, c'est et fini, franchement, fin du match. j'espère pour lui, hein, Bah, même qu'il pour lui n'ira qu'il n'ira pas, quoi. parce qu'il va reprendre toute la lumière sur lui. Et quand tu vois les gamins, le job qu'ils ont fait pour aller chercher la Chalif, c'est pour aller se faire écraser par un mec comme Ibra. Non, je pense que ça ne sera pas cool. Voilà, il y a un autre petit sujet rapide que je voulais faire, c'était Cantona aussi qui avait un peu allumé la Ligue 1. Ouais. Par rapport à ce qu'il a dit, bon, il a déclaré que lui, ça l'intéressait pas de regarder un match du type PSG Guingamp ou enfin un match moyen de championnat de France. Bon, faut rappeler quand même que Cantona, il a joué à une des meilleures époques de première ligue. Ouais. Avec il y avait tous les grands joueurs et tous les grands clubs de Liverpool. Enfin, un peu comme aujourd'hui, mais je pense qu'c'était un peu plus serré à son époque. Et il oublie que malheureusement en première ligue aujourd'hui, bah tu dépasses la 7e, 8e place, bah t'as des Southampton, t'as des. Bah c'est clair. Bah tu vois là le match, il y a un match à 21h là de première ligue là. Ouais. Parce qu'on est lundi, je précise, hein, parce que je sais pas quand les gens vont l'écouter. C'est Brighton Stoke City. Donc s'il y a quelqu'un qui le regarde et qui peut nous faire un petit débrief de Brighton Stoke City, on est preneur. Voilà, regardez les autres championnats par le prisme des grosses affiches. Je trouve ça pervers. Même si après, j'avoue que à l'étranger, les équipes, tout à l'heure on parlait de Lokomotiv, les Lokomotiv sont plus imposantes et plus fiables qu'en France. Il y a une espèce de facilité. Ça a craché sur la Ligue 1, tu vois, comme le supporter parisien qui va cracher sur Kurzawa parce que c'est facile, tu vois. Ben les mecs dès qu'ils veulent comparer, ils vont dire ouais, la Ligue 1 c'est défensif, c'est nul, machin et tout. Ouais. Pourtant on se rend compte que les étrangers qui viennent en Ligue 1, le premier truc qu'ils disent c'est pas si simple que ça, quoi. Tu vois, mais comme Snyder, je pense qu'il venait en pré-retraite à Nice. Il s'est pris un gros mur dans la tête. Il se rend compte que ouais, putain, c'est compliqué en fait. Balotelli, il survole pas la Ligue 1. Non, et pourtant, Balotelli, ça va. Moi, j'ai pas l'air qu'il survolait la première ligue non plus. Mais il faisait ses matchs, hein, alors que là, il galère quand même, quoi. Donc Kanto, je t'aime bien, mais je te préférais quand tu parlais avec tes pieds, quoi, plus qu'avec ta bouche. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il a enchaîné les déclarations un peu fracassantes là. Ouais. La semaine passée, déjà en allumant Deschamps par rapport à l'équipe de France, il a remis une couche en laissant planer le doute sur l'intégrité et les, comment dire, après, avec l'état Deschamps, d'esprit par rapport à la religion. Après, on sait qu'ils sont pas potes avec Deschamps. C'était sur Deschamps quand il avait dit ouais, il y a deux types de joueurs. En gros, il y a des artistes et les porteurs d'eau. Et Deschamps, c'est un porteur d'eau. Je sais pas si tu te rappelles de cette déclaration là, dans les années 90, tu vois. Voilà, quand le mec c'est ton capitaine en équipe de France et que tu parles de lui comme ça, tu vois, ça. Déjà, tu pars sur des mauvaises bases, donc c'est compliqué. Après, bon, après, on sait pas ce qui s'est passé entre eux, mais il y a un côté gratuit parce que ouais, parce que je crois qu'en gros, il explique vu le matos que Deschamps il a, l'équipe de France devrait mieux jouer. Mais à un moment, ce côté foot manager, l'ordre de leçon, même le côté football manager, c'est tu prends les stats, et lui il est fort, vas-y, je le mets sur le terrain, de toute façon ça va tourner. Ce sera aussi simple, ça serait, quoi. C'est un peu pour ça que je voulais aborder ce sujet, c'est parce que je trouve que Cantona il vieillit très mal. Autant en fait je trouve jusqu'en 98, 2000, quand il parlait de l'équipe de France, il était assez cohérent dans ce qu'il disait. Il restait assez détaché de tout ça. Après, il avait entraîné aussi l'équipe de France de beach volley. Il était intégré dans le coaching, dans la formation. Puis il y avait encore une espèce d'amour du maillot bleu, quoi. Ouais, voilà. Qu'il n'a pas. On dirait qu'il a perdu beaucoup de. On sent qu'il est énormément aigri sur plein de choses, frustré sur plein de choses. Il est un peu parano aussi par moment, je trouve, Cantona. Je pense que. Est-ce qu'il joue un rôle, je sais pas. C'est ce que j'allais dire, tu vois. C'est, je pense que on lui a donné une image. Il a joué de cette image pour rentrer dans un rôle. Ouais. Ça marchait quand il était joueur, quand il a commencé son après carrière. Et t'as l'impression en fait qu'il n'arrive pas à en sortir de ce rôle. Ouais. Ne serait-ce que tu sais, dans dans sa prestance, dans sa façon de se tenir, dans sa façon de parler. Quand il fait sa rubrique là sur Eurosport, je sais pas si t'as déjà vu là, The Commissioner. Franchement, c'est marrant. Franchement, ça me fait délirer, tu vois. C'est en gros, c'est genre le King, parce que c'est Cantona, donc ouais, The dans King. Un fauteuil, Tu là, vois, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis en fait, il balance plein de punchlines, tu vois. Mais tu sais pas, avec lui, tu sais pas en fait s'il est en mode fun ou si, comme tu dis, il est en mode donneur de leçons. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'il sait que sa parole elle porte, tu vois. Et quand en fait il va cracher sur la Ligue 1 ou sur Deschamps, parce que c'est Cantona, parce qu'en plus il est français et parce que c'est facile pour lui, parce que il vit à l'étranger, il sait qu'il sera écouté. Il sera écouté et que c'est facile pour lui. Et dès qu'il y a une brèche, voilà, dès qu'il y a une brèche et qu'il peut aller mettre un coup de tatane, il y va. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est mal placé à chaque fois, je trouve, en ce moment. Ce que j'allais dire, lui, il a pas besoin de le faire, ça lui apporte rien. Et tu sais, c'est comme ça s'il apporte voulait. rien au débat. C'est comme s'il voulait relancer son actualité, qu'on s'intéresse à lui. En fait, il va te lancer une punchline sur un sujet d'actualité comme Benzema, ceci, cela. Et ensuite, il sait très bien qu'on va lui poser des questions sur son actualité à lui, et ça va le remettre dans la lumière. En fait, C'est ça. c'est comme quelqu'un en fait qui passe dans le dos d'une personne, qui le pique. Et si tu veux, après, on entame la conversation avec lui, parce que justement, il s'est fait interpeller. Mais je veux dire, Cantona, il s'est mal placé à chaque fois, les sujets qu'il lance. En fait, il va te lancer un débat sur le racisme, l'immigration. Il mélange tout à un moment donné, c'est fatigant. On n'a pas besoin de ça, je veux dire. Le truc c'est que il surfe entre les sujets footballistiques et les sujets sociétaux, mais toujours en étant très limite, tu sais, sur les deux, Borderline, alors que des fois il peut avoir des liens communs en fait sur les deux. Mais t'as l'impression qu'il essaye qu'il le fait volontairement ou pas, hein. Il les fait pas se mélanger justement pour pas qu'on vienne le chercher sur ces sujets-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quand tu vois, quand il rebondit là sur Deschamps, sur le côté la frange raciste, tu vois, il le met sur le côté sociétal. Ouais, bien sûr. Comme c'est sociétal, en fait, on va pas aller le chercher parce que lui, c'est un sportif. Quand il reste que sur le côté sportif, il se dit, tu vois, là, il va parler de la Ligue 1. De toute façon, je vais tailler la Ligue 1, mais de toute façon, mais vu que mon pic, je lance depuis l'Angleterre. Il y a personne en France qui va venir me chercher là-dessus parce que je suis loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est, en gros, il arrive assez border tout en étant assez éloigné pour que justement qu'on retienne juste le buzz et que ça aille pas plus loin. Ouais, mais tu vois, moi ce que je reproche aussi, c'est à l'interprétation que les journalistes ont fait en changeant les mots ou en ne comprenant pas le français en fait, la déclaration de Kanto. Parce Marco, que Kanto a dit que Deschamps avait cédé à une ouais. partie. Quand tu comprends le français mot par mot dans le texte, Ouais. c'est pas Ouais. Deschamps est raciste. Ah Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu as des gens qui relaient des informations à la télé, comme dans des émissions à grand public, comme 20h Foot sur CNews ou le CFC avec Pierre Ménès, mais qui ne comprennent pas le français, qui ne savent pas lire. Je sais Ouais. pas, ils ont un problème. Ces gens-là, ils n'ont pas été à l'école jusqu'à. Ils n'ont pas fini la terminale, j'en sais rien. Ah non, Mais ils moi je pense que comprennent pas c'est le pire que français, ça. quoi. Si, ils Qu'est-ce que comprennent ça. très bien. Ils comprennent très bien. En fait, ils se mettent, je sais pas comment dire, tu vois, Du mauvais côté de l'interprétation, t'as le niveau très intéressant, et puis tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, et puis t'arrives au niveau Twitter, tu vois. ouais. Et eux, en fait, ils se mettent au niveau Twitter parce que c'est ces gens-là qui regardent et qui comprennent rien. Et justement, ils regardent parce qu'ils n'ont rien. Toi qui comprends, tu te dis c'est pas intéressant. Donc tu vois, moi, 20h foot, voilà, je tombe dessus, je regarde 2 minutes quand je zappe. Non, mais c'est Quand une... je T'as fait zappe, un AVC si tu regardes plus de 10 minutes. non mais voilà, alors que la routine base qui est sur Twitter et qui attend en fait la phrase qui va faire du buzz, lui va rester dessus. Et lui, il va pas aller lire entre les lignes, tu vois. Et c'est ce côté aussi, tu sais, réseaux sociaux à tout va. Allez, faites hashtag 20h machin, faites hashtag quand t'es trop fort, faites hashtag ceci, cela, est-ce que la Ligue 1 est nulle, machin. Ouais, bien sûr. c'est une façon d'alimenter la ligne éditoriale en fait. Mmh. Et du coup, bah voilà, bah, est-ce que des fois tu te poserais même pas la question, est-ce que le gars recevrait pas un petit coup de fil, ouais, excuse-moi, là franchement c'est pas trop d'ambiance, ça te dérangerait pas de lâcher une caisse pour buzzer à toute patate pour que mon émission elle soit la première à reprendre ton truc, tu vois. Parce que pour rester sur 20 heures foot, tu vois, bah c'est pour ceux qui aiment le foot et qui veulent taper tous les toutes les émissions vedettes, bah tu vois, bah c'est les bon, je mets pas forcément l'équipe d'Estelle parce que c'est plus un show qu'une vraie émission de débat, mais tu vois, tu commences par ça et puis tu finis sur l'after, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, toute une lignée d'émissions qui s'enchaînent. Et souvent tu regardes, hein, quand ça tombe, c'est pas longtemps, voilà, c'est trop tard pour que ça passe dans l'équipe d'Estelle et assez tôt pour que ça soit repris tout de suite dans 20 heures foot. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qu'on voit pas forcément. Je me dis, ça peut être une des explications aussi, quoi. Ouais. Ouais, sur de toute manière, malheureusement, tant que tu auras des gens qui présentent certaines émissions, qui veulent... De toute façon, on sait très bien que la ligne directrice est donnée par la personne qui présente. Ouais. Pascal Pro, au CFC, bon, je pense qu'il y a plusieurs chroniqueurs qui se mêlent des sujets. Estelle Denis, on sait très bien que c'est elle qui fait la ligne directrice de l'émission. C'est n'importe quoi. C'est son émission, c'est vidéo gag. Elle fait des questions, elle fait sur des vidéos. Ceci, cela, c'est pas une émission de foot. C'est que du. Ah, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est lamentable. Moi, ces gens-là, faut vraiment qu'à un moment donné, les directeurs de chaîne prennent des décisions et qui fassent le ménage un peu à un moment donné. Mais le pire, c'est qu'Estelle Denis, elle était bien quand elle présentait sur la 6, là, quand elle présentait 100% foot sur la 6. Parce que peut-être que là, justement, c'était pas forcément elle qui... Parce qu'on a vu quand elle était dans... Touche pas à mon sport, là. Ouais, moi ça, je regardais pas. C'était le début de la fin, là, pour elle. Ouais. Elle s'est fait annuler. C'est un copier-coller, ce qui est sur l'équipe 21. Non, ouais. Moi, mon coup de cœur, en ce moment, tu vois, c'est plus l'émission 19h30 avec des femmes qui parlent de foot. Il y a un côté... elles ont besoin de faire leurs preuves par rapport au monde masculin de l'audiovisuel. Et si tu veux, elles restent dans ce que nous on a aimé au début des émissions de foot. On parlait du jeu, on parlait de pas des coulisses, on parlait pas de la coupe de cheveux d'un joueur. On en a rien à foutre. Sur quel média ça? Canal Plus Sport, en fait, c'est à 19h30 en clair le vendredi, en fait. Et moi, j'espère vraiment que cette émission va faire au moins deux deux fois par semaine. Ouais. Ça serait bien déjà parce qu'elle est qu'une fois par semaine, malheureusement. Mmh. Et si tu veux, c'est un peu une copie de ce qu'il y a dans les analyses d'après-match sur Canal+, le lundi, je crois, ou le mardi, avec les... Ouais. Ça s'appelait les tacticiens, je sais plus quoi, sur Canal+, à l'époque, il y avait Giroud, il y avait... je vous parle d'un truc de 4 ans. Ouais. Et elle parle de jeu, ça fait plaisir. Voilà, quoi. C'est une émission sympa. Ouais, bah, j'essaierai d'aller faire un coup d'œil. Et malheureusement, voir ce que ça donne. Voilà, quoi. Les autres émissions qu'on a, c'est de la polémique. C'est compliqué. Du débat, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, ok. On va se quitter sur ça et puis. En espérant avoir plus de choses à dire sur le terrain, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup tourné autour du terrain. Mais bon, là, il y a une petite semaine de Champions League qui arrive et. J'espère qu'on aura un Paris qualifié premier et sûr et un Monaco encore en piste pour aller chercher une qualif. On espère une victoire de Monégasque et pas de penalty gate contre le Celtic. Parce qu'on a un peu marre là. Neymar et Cavani, faites un bon match. C'est deux super joueurs en ce moment et vous engueulez pas, on n'a pas besoin de ça. On veut du jeu, du football, c'est ça qu'on veut surtout en ce moment. On est un peu fatigué, comme vous avez pu entendre des histoires extra sportives. Voilà, donc on vous donne rendez-vous sûrement vendredi en fin de semaine pour débriefer la Champions League avec nous. Voilà, bonne semaine à tous. Salut tout le monde. Salut. Hop. Donc,